C'est fou de musique à découvrir. Moi, je n'ai pas les amis rappés, 89. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Jean-Antoine Rioux du Club de la UQTR sera avec nous pour sa chronique trucs et astuces. Michel Lebrun nous présentera son segment judiciaire panier à salade. Et on analysera les nouvelles du monde télévisuel dans Television Television. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 26 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. On dirait les studios de C'est fou à Trois-Rivières. Et Jean-Philippe Charbonneau est de retour. Oui. De retour de son voyage, de son périple, ses péripéties à New York. Ça a bien été. Oui, puis Pink. Ouais, c'est popé. Ouais, popé. T'as popé, Pink. Ben, tu sais, je connais pas tant les chansons, mais. Hey, c'est une fille en forme, hein? Hey, elle est cotte. Elle est très cotte. Elle a un enfant. Ah oui! Je n'en revenais pas! Wow, de où qu'elle est sortie cette affaire-là? Je sais pas. On dirait qu'elle a utilisé une mère porteuse, mais non. Ah! Oh, c'est voilà. Un chou! Voilà, c'est ça. Le fameux chou. Donc, on va parler de New York, je pense, tantôt. On pourra peut-être raconter d'autres aventures qui sont arrivées, des choses que je sais pas. Ah, ben, il est sûrement arrivé des anecdotes, hein? Il m'en arrive le matin, il doit m'en arriver à New York. C'est ça, toi, et les gaffes. Donc, parlons du plan d'aujourd'hui. Par contre, avant ça, à 7h30, Charles-Antoine Rioux du Club plein air UQTR va être là. C'est la chronique Trucs et Astuces. Il présente des choses là, qu'il faut savoir pour survivre dans la vie, que ce soit dans la forêt ou à New York, peut-être. Peut-être. Peut-être qu'on va avoir des... Il y a du plein air à New York. Oui, les meilleurs fast-food. Oui. Les hot dog vendors. 5$ le hot dog. Et con, hein? Ensuite, à 8h, Michel Lebrun nous présentera son segment judiciaire panier à salade. C'est la chronique justice. On sait jamais trop où on s'en va avec ça. En tout cas, moi, je le sais pas, mais je sais qu'à chaque fois, ça me fascine et je suis comme... Oh, wow! Ça va être encore très intéressant. Et voilà. Donc, c'est à 8h. Et puis, finalement, à 8h30, on va recevoir Bruno Le Maire Corbeil, qu'on devait recevoir hier, mais qu'apparemment, on reçoit aujourd'hui. Hein. Donc, on va discuter des élections de l'AGUQTR. On va savoir comment aller voter, jusqu'à quand on peut faire ça, un paquet de questions alléchantes comme ça, à 8h30. Mais on va débuter avec Television tantôt. Et quelques anecdotes de New York, mais pour l'instant, East Road. Oh oui! Pourquoi? Oh oui! Pourquoi pas? La pièce s'appelle Oh Love. Mm-hmm. Je te dédie. Oh! Je suis content, on est content de te revoir. J'ai failli vous appeler, mais. C'est 1h75, hein, la minute. Ah, c'est capable de se payer 5 pièces de hot dog, mais ça ne paiera pas 1h75 pour parler à Mathieu et Stéphanie. Ah, ben, j'ai peut-être pas payé pour le hot dog. T'as volé un hot dog? Oh non, il m'a dit 5 pièces, j'ai dit, haha! Mange une saucisse! C'est ça! Insère-toi une saucisse. Hey, bonne émission. Hey, toi aussi. It reshapes my wilderness and I, and I tremble. The moon guides the rising night. From where you are, can you see the same sky? In my lungs and wings on my breath, bubbling brooks of blood in my veins, rust on my lips and pollen at my daisies. Your presence now is all I need. When winter comes by, I don't know what I'll do. Gnash my teeth, sleeve it out, fly me south, oh Lord. Wow. Holy days they are for all to rejoice, and December it is once again on my course. Here my choice, but music can replace our love when winter comes by. I don't know what I'll do. Gnash my teeth, sleep it out, fly myself, oh Lord. What will you do? Oh Lord. Longing for you. Longing for. It's 2 a.m. and I'm shivering in my bed. I can't stop thinking. Go, it's heavy on my mind, you know. I've been told not to go. I can't be so far from home. You're my home. Pour vrai, tu m'y pas mentir, c'est vraiment, il reste vraiment comme 2 secondes. Wow. Il va falloir présenter la toune. Ben, il va falloir. East Road! Et Oh Love! Oh Love! Oh, qu'on aime ça, c'est très très bon. Et c'est une nouvelle pièce, en tout cas une pièce récente des palmarès de C'est Fou. Et voilà. Maintenant, ben, tiens, c'est la chronique Television Television. Même pas de petite blague d'intro, rien. Tu sais, j'ai même pas pensé à ça, t'as vu. À frette? On va s'appuyer sur des petits boutons. Petit bouton. Pour. Non. La bosse de Jean-Philippe dans son cou. Elle n'est pas partie encore. Non, elle est toujours. Non, toujours. Mais est-ce qu'il contrôle la télévision, elle? Est-ce que non. Tu peux faire channel up, channel down, ta bosse dans le cou? Non, j'ai tout essayé. Ah, en tout cas, voici Television, Television. Ah, quand... ça va bien, matin, excuse-moi. Ça va bien. Ça va moins bien quand t'es en train de faire 2-3 autres affaires en même temps. T'sais. Là, je me concentre. C'est ça l'affaire. On y a vu que tu feux. Absolument. Television, c'est évidemment la chronique télévision d'assemblage requis. Je pense que c'est assez évident. Et on commence avec des nouvelles québécoises et la grosse nouvelle. Non, j'espère que t'as entendu parler même à New York, là. La grosse affaire, le trifluvien qui a gagné une question pour un champion. Oh non! Non, ben, ça, c'est tout à fait vrai. Donc, un article qu'on va lire ici du Soleil. Jean-Éric Guindon, un avocat de Trois-Rivières, a réussi un double exploit dimanche soir, celui de remporter la finale de la Ligue de la langue française, pardon, du jeu Question pour un champion en France, mais aussi celui de battre en duel par KO le champion de l'an dernier, l'Indien Azad Monani, finissant 15-0. Ah! Je cite, je m'attendais pas vraiment à gagner. Mon objectif était de répondre correctement au moins à une question, a confié le concurrent québécois qui représentait le Canada parmi 20 pays participants. Sa victoire lui permettra de retourner l'an prochain à l'émission pour défendre son titre contre le champion de 2014, en plus de lui valoir un voyage à Paris. Oh! Retransmis via TV5, entre autres, au Québec, 7 soirs sur 7. Question pour un champion, elle célébrera en novembre son 25e anniversaire sur France 3. Un véritable exploit pour un jeu télévisé. Fidèle du jeu animé par Julien Lepère, Jean-Éric Guindon n'a trouvé aucun équivalent à la télé québécoise. C'est bien sûr, québécois. Nos quiz, c'est le maximum qu'on peut faire. Je pense que c'est le cercle. Le cercle. C'est ça aussi que j'avais en tête. Et c'est pas du même calibre. Moi, je peux t'en nommer 3 quiz télévisés. Il faut que commence par R et go! La caméra se pointe sur toi, non? 3. Toi, tu veux-tu m'en donner plus que 3? J'en aime 4. Passe. OK, bon boutadine. C'est ça, la poigne. Revenu enchanté de son voyage à Paris, il n'a que de bons mots à propos de l'animateur Julien Lepère. Quel homme sympathique, il venait nous voir, il blaguait, il venait s'asseoir avec nous. Blah. Jean-Éric Guindon, qui n'avait participé qu'à un seul jeu génie en herbe dans ses jeunes années, a dû répondre à un questionnaire téléphonique et passer en entrevue par Skype avant d'être sélectionné pour Question pour un champion. Il a reçu la Vénus, trophée officiel de la compétition, des mains d'Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, félicitations à ce trifluvien, Jean-Éric Guindon. Bravo! Pour une fois que la trifluvie est bien représentée, tu sais, d'habitude, c'est... Ça va être à l'International. Maintenant, quelque chose d'un petit peu, à peine plus déprimant. Dans ce cas-ci, Un candidat de la version française de Survivor est décédé. As-tu entendu parler de ça? Ah non. Ouais. Un candidat du jeu télévisé d'aventure Koh-Lanta, c'est la version française de Survivor, c'est diffusé entre autres à Évasion au Québec, est décédé vendredi des suites d'une crise cardiaque au Cambodge pendant le tournage de cette émission phare de la chaîne privée française TF1, diffusée depuis 2001 et dont la saison 2013 a été maintenant suspendue. Gérald Babin, 25 ans, participant de la 16e édition de Koh-Lanta, est décédé ce jour d'un arrêt cardiaque lors de la première journée de tournage au Cambodge, ont annoncé vendredi dans un communiqué commun TF1 et Adventure Light Productions. Il a été aussitôt décidé d'arrêter le tournage et de rapatrier dès que possible toutes les équipes à Paris. Ça doit être une première en France pour ce genre de format télévisuel, un mélange de télé-réalité et d'aventure. Koh-Lanta allie stratégie, survie et épreuves sportives dans des cadres paradisiaques, oui, qui alternent entre eau turquoise, sable blanc et jungle. Les conditions précaires de survie dans lesquelles évoluent les candidats font partie du concept et du succès de l'émission, donc faim et manque d'oxygène, etc. Le concept déclinaison de l'émission britannique Survivor a déjà été adapté dans plusieurs pays. Gérald Babin avait, comme tous les autres candidats, fait l'objet d'une visite médicale lors du processus de sélection des candidats. Selon les explications de la société de production, le jeune homme a été pris de crampes lors du premier jeu qui suit l'arrivée des participants sur le site. Il a été pris en charge par le médecin urgentiste de l'émission qui lui a prodigué les premiers soins avant de décider de l'évacuer. Le jeune homme a ensuite été victime d'une série d'arrêts cardiaques durant son transfert vers l'hôpital. Selon le Figaro, le format Survivor a déjà connu deux tragédies dans ses déclinaisons étrangères depuis son lancement en 97 en Suède par son producteur britannique sous le titre d'Expédition Robinson. Dans la version bulgare, un homme de 53 ans était mort d'une crise cardiaque aux Philippines. Puis en août 2009, c'est la production pakistanaise qui avait assisté à la noyade d'un concurrent de 32 ans en Thaïlande. Koh-Lanta est un des plus gros succès d'audience de TF1. La dernière saison, diffusée du 2 novembre 2012 au 1er février 2013, a réalisé presque 30% de part d'audience en réunissant 7,4 millions de téléspectateurs. Triste. C'est triste, mais ça arrive. Ça arrive. C'est ça, puis ils doivent bien signer une décharge. Oui. C'est, si ça arrive, ça arrive. Hein. Mais c'est vraiment triste. Mm. Maintenant, HBO prévoit une série prequel pour le trône de fer Game of Thrones. Dans une nouvelle entrevue avec IGN, George R.R. Martin, l'auteur de la série de romans et de la série télé Game of Thrones, a révélé qu'il est en pourparlers avec HBO pour développer une nouvelle série télé qui servirait de préquel à Game of Thrones. Je cite, j'écris depuis des années une série de nouvelles qui se déroule dans le monde de Westeros, mais des centaines d'années plus tôt et qui tourne autour de deux personnages nommés Dunk et Egg. Et j'ai publié trois de ces nouvelles, The Edge Knight, The Sworn Sword et The Mystery Knight, et j'ai en tête 9 ou 10 nouvelles de plus et sur les aventures de Dunk et Egg. Martin ajoute, nous avons joué avec l'idée de les produire comme préquels, ce sera une préquelle. Le préquel, c'est une prequel, on dit ça en français préquel, alors que ça veut absolument rien dire. C'est le mot sequel pour suite, avec pre à la place de si. Dans un sens, ces histoires se déroulent dans le même monde, mais des centaines d'années auparavant. Ces histoires sont donc ont un ton plus léger que la série principale, mais un ton plus aventureuse. Hein? Mais mes fans les aiment, je prends les mauvaises traductions ici. Mais mes fans les aiment et j'aime les deux personnages aussi. Et ils s'incluent très bien dans l'histoire de Westeros, donc c'est peut-être ce que nous allons faire. Voilà. Les aventures de Dunk et l'œuf. En français, Dunk and Egg. Un ensemble de nouvelles écrites par George R.R. Martin et qui prennent part à l'univers du Trône de Fer. Allez voir les infos sur assemblagerequis.com. Est-ce que tu suis Game of Thrones, non? Non. Moi non plus. C'est difficile d'embarquer dans une série aussi grandiose pour moi. Ça a l'air bizarre. Mais il faut commencer du début. Et oui, et les livres peut-être même. Ah non, trop de job. Ah, je devrais. Maintenant, on avait parlé il y a quelques temps de Cougar Town qui avait été racheté par TBS. C'était une série qui était sur un grand réseau ABC et qui était passée sur une chaîne câblée TBS. On se demandait comment ça allait faire dans les codes d'écoute. Apparemment, assez bien pour que TBS commande une 5e saison. Quand même! Donc, le déménagement de Bienvenue à Cougar Town qui joue au Québec sur la chaîne Mademoiselle, maintenant Moi et compagnie télé. Moi ici. Donc, Cougar Town qui passe chez TBS, qui est passé chez TBS pour la 4e saison. Donc, série qui vient d'être renouvelée et puis le déménagement de Cougar Town sur une nouvelle station lui a donné une seconde vie après avoir été annulée. Les producteurs ont travaillé fort pour faire la promotion de la série, ont utilisé des promotions amusantes, des vidéoclips. Malgré leurs efforts, la série a attiré de plus faibles codes d'écoute, évidemment, que sur ABC. L'article, évidemment, mentionne ça et c'est bien normal de le faire, mais c'est passé d'un réseau grand public à la TVA, à une chaîne câblée, comme si, mettons, Mademoiselle ou Moi et compagnie rachetaient les droits et faisaient de nouveaux épisodes comparé à TVA. Je pense que les codes d'écoute seraient plus petits. C'est pas pareil. C'est normal. Et le salaire n'est pas le même et l'argent qu'ils font avec les publicités. Exactement, c'est très payant par comparaison. Donc, la saison 4 s'est résultée à quelques changements pour la série, dont la perte du showrunner. Ça, c'est un titre dans le domaine de la télévision. Showrunner, ça veut dire la personne qui s'occupe de vraiment de l'émission. Bill Lawrence, mais la comédie mettant en vedette Courtney Cox, qu'on connaît de Friends, c'est quand même bien tiré. Ça en est quand même bien tiré. Il a su garder la tête hors de l'eau malgré un changement de station et de producteur. Génial. J'ai très, très, très hâte d'être rendu jusque-là dans cette série-là. apparemment, c'est très drôle. Cougar Town, saison 5 sur TBS. Ça passe au Canada sur City TV. Parce qu'on n'a pas TBS au Canada, bande d'arriéré. Non. Le célèbre feuilleton américain Les Feux de l'amour célèbre ses 40 ans. Hey, beau boy, ça me rajeunit pas ça. Les Feux de l'amour! Ça joue encore en ondes avec des nouveaux épisodes. Il y en a 10 000 épisodes et plus, je veux dire, repasser depuis le début, puis il n'y a pas besoin d'en faire des nouveaux. Hey Mathieu, on se fait-tu un marathon? On se tape la série sur DVD. Hey, si seulement ils sortaient des DVD. Ça coûtait combien de milliers de dollars? Aïe, aïe. Je sais pas, en tout cas. Avec ton chèque de pension. Ben oui, il faut que tu aies un certain âge. Donc, célèbre feuilleton américain, Les Feux de l'amour soufflera ses 40 bougies le 26 mars. C'est aujourd'hui, ça! Afin de célébrer ses 4 décennies d'existence. Quand même, 4 décennies d'existence. Donc, 10 000 épisodes diffusés. Les Feux de l'amour demeure le feuilleton de référence dans son pays, mais également autour du monde. La vie des habitants de Genoa City, ville fictive, située dans le Wisconsin, passionne 4 millions d'Américains quotidiennement. Feuilleton le plus regardé depuis un quart de siècle aux États-Unis. Les Feux de l'amour est plus populaire que son dérivé Top Model, General Hospital et Days of Our Lives, des jours et des vies. Le feuilleton a permis de lancer la carrière de quelques acteurs désormais connus, tels que Eva Longoria, Shemar Moore et Tom Selleck. Tom Selleck jouait dans Les Feux de l'amour, je savais pas ça. Moi non plus. Eh ben. félicitations. Je dirais que profitez-en pendant que ça dure, parce que tous les téléromans susmentionnés, ou presque, en haut, ça a été retiré des ondes depuis les 5-6 dernières années. On abat les téléromans à chaque année. Donc sûrement que ça va finir bientôt. Bon, on leur souhaite de se rendre à 50. Ah, ben oui. Ben oui, ça arrivera pas. le créateur de Family Guy, Seth MacFarlane, ainsi que l'acteur Seth Green vont faire une version avec des vrais humains, une série sur Fox qui va s'appeler Dads. Donc, Seth MacFarlane va être le producteur exécutif et Green va être la vedette de cette comédie multicaméra. Il a déjà mérité une commande de 6 épisodes de la part du réseau Fox. Green joue... une personne, en fait, dans un duo, en fait, dans deux gars de la trentaine. Donc, Tommy Dewey va être l'autre personnage. Tommy Dewey, qui est présentement dans The Mindy Project. Une mission qui a été renouvelée. Donc, j'ai bien hâte de voir quelle priorité il va avoir. J'imagine que sa priorité doit être à The Mindy Project. D'habitude, quand t'es sur une série qui revient, tu dois continuer. Qu'est-ce que ça dit ici? Ils sont forcés de gérer le fait que leur père emménage avec eux. Leur père, joué par Peter Riegert et Martin Mull. Donc, j'imagine un couple de pères. Donc, Brenda Song et Tonita Cachot vont aussi être en vedette là-dedans. On connaît Green parce qu'il fait la voix de Chris Griffin dans la série Family Guy sur laquelle Seth MacFarlane travaille. Donc, ils sont habitués de travailler ensemble depuis 1999. Seth Green a aussi la série de dessin animé Robot Chicken. Et c'est ça, sa première performance dans une sitcom avec des humains depuis Four Kings en 2006, qui a duré genre 4-5 épisodes. Quelque chose de ridicule comme ça. Elle était aussi évidemment membre de la distribution de Buffy contre les vampires. Vous le savez, même pas besoin de vous le dire. Alors, on avait parlé la semaine passée que Jay Leno serait peut-être remplacé par Jimmy Fallon au Tonight Show. On a des petits développements là-dessus, mais encore au stade des rumeurs, on dit que si Jimmy Fallon prend le Tonight Show, le talk show de fin de soirée de NBC, Seth Meyers pourrait prendre la case horaire de Late Night, l'émission de Jimmy Fallon. Seth Meyers, c'est le gars qui fait Weekend Update à Saturday Night Live, qui est la grosse émission de variété. C'est lui qui fait le petit bulletin de nouvelles à la, genre, la fin du monde est à 7h, si les gens veulent une comparaison assez facile à faire, tout le monde l'a fait. Donc voilà, les rumeurs sont là-dessus. On n'en parle pas trop longtemps parce que d'après moi, ça va peut-être changer. Il y a aussi les gens parlaient de Tina Fey, là, un paquet d'autres gens comme ça qui pourraient remplacer. Des vedettes de cinéma comme ça, je pense que ça coûterait beaucoup trop cher. Seth Meyers doit être encore au stade où il doit pas coûter si cher que ça. Il joue dans un film américain avec, tu sais, celui où il y avait comme 30 personnes dedans. Hein. C'était genre New Year's Day, je sais pas quoi. Là. Oh, tout le monde d'Hollywood était là-dedans. Il y a des films de même hein, où tout le monde joue, puis c'est pas nécessairement meilleur. Pas vraiment. C'est comme le film avec Sylvester Stallone, puis. Les Sacrifiés. Les Sacrifiés. Et Sacrifice. Aïe, aïe, aïe. On revient à Fox. On parle encore une fois d'une nouvelle série. Et c'est l'affaire O.J. Simpson qui inspire la chaîne Fox, en fait, le réseau de télévision. Quel bon choix. Quel excellent choix. Transformera le procès donc de l'ancien footballeur américain en une série produite par Nina Jacobson de Hunger Games, quand même, et Brad Simpson, qu'on connaît pour World War Z récemment. Donc, le drame suivra l'affaire d'O.J. Simpson accusé des meurtres de son ex-femme Nicole Brown et de son nouvel ami Ronald Goldman en 94. L'histoire débutera par sa fuite à bord de sa Ford Bronco et son procès long, controversé et très médiatisé, qui a passionné des millions de téléspectateurs à travers le monde. Son procès a accentué le clivage entre noirs et blancs aux États-Unis. Deux ans seulement après les émeutes de Los Angeles, après 133 jours, le verdict du pénal est tombé, acquittant O.J. Simpson. 100 millions de personnes dans le monde ont assisté à ce moment. L'accusé fut cependant condamné au procès civil. Un jury l'a déclaré coupable des deux meurtres et il fut condamné à payer 33,5 millions de dommages et intérêts. Scénariste de Man on the Moon, je crois que c'est Man of the Moon, je ne suis pas sûr en tout cas. Larry Flint et Ed Wood, Scott Alexander et Larry Kazazuski se chargeront d'adapter cette histoire judiciaire au petit écran. Donc ça, c'est sûr qu'il faut suivre ça. Mm-hmm. L'histoire d'O.J. Simpson, c'était déjà intéressant à la base. Si en plus tu rajoutes des éléments dramatiques, il est sûrement complètement faux. Oui, c'est ça. Ben, les gens vont s'en servir comme référence, ce qui est génial. Génial. Ils vont penser que c'est vrai. Oui. Mais tu te rappelles, ou peut-être que je te l'apprends, O.J. Simpson avait écrit un livre dans les années 90, qui n'avait jamais été publié, qui s'appelait « Si je l'avais fait ». Oh! Genre, si j'avais commis ce meurtre-là, comment est-ce que je l'aurais fait? Aha. If I did it. C'était vraiment une très bonne idée. C'est osé. Tu dis que tu l'as pas fait, mais si, mettons que je l'avais fait. C'est bizarre un peu. Finalement, les jeunes s'informent par Internet et les vieux à la télé. Hey, c'est surprenant. Les jeunes adultes québécois sont de plus en plus nombreux à suivre l'actualité par le biais d'Internet, alors que les plus vieux continuent de faire confiance à la télé. Une enquête nette tendance du CIFRIO révèle que chez les adultes de 18 à 24 ans, Internet est la principale source d'information pour consulter l'actualité et les nouvelles dans une proportion de 44%. Chez les 25-34 ans, Internet et la télévision se retrouvent nez à nez avec des taux de 38 et 39%. Toutefois, à partir de 35 ans, la télévision devient la principale source d'information pour 50% des adultes de 35-44 ans et 50% dans le groupe 54, oui, dans le groupe d'âge des 45 ans et plus. L'étude révèle que le niveau de scolarité influence aussi les sources d'actualité et de nouvelles. Ainsi, les adultes qui ont fait les études primaires et secondaires convergent davantage vers la télévision. TVA! et que ceux qui ont réalisé des études universitaires, évidemment, c'est fou. Entre autres. Oui. Radio-Canada. Radio-Canada. Claire Bourget, Télé-Québec. Oui. Claire Bourget, directrice de la recherche marketing au CIFRIO, affirme que la télévision a décliné à titre de principale source d'information des adultes québécois pour consulter l'actualité et les nouvelles depuis 2010. Durant la même période, la part des journaux imprimés et d'Internet a gonflé chez les adultes de 18-44 ans, tandis que ces proportions restent relativement stables pour les 45 ans et plus. Le CIFRIO est le centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations à l'aide de technologies d'information et de la communication. Il vise à faire du Québec une société numérique grâce à l'usage des technologies. Oh, le centre facilitant la recherche et l'innovation des organisations, c'est ça les lettres CIFRIO. Ouais, et moi j'aimerais ça savoir c'est qui le gars qui a fait « Hey, on va rajouter facilitant ». Oui, parce que c'est nécessaire d'avoir 12 lettres dans ton acronyme. Oui. Voilà pour les nouvelles télévisions, télévisuelles. Parlons des talk shows un petit peu, là, pour ceux que ça intéresse. Là, évidemment, ça intéresse pas tout le monde, mais vous pouvez vous procurer les clips après leur diffusion quand même, pas obligé de les regarder live, là. Regarde bien ça, là, ce soir au Late Show de David Letterman sur CBS à 23h35, le champion national d'emballage de sacs d'épicerie, Andrew Borakini. demain, Donald Trump. Jeudi, Sylvester Stallone et Al Gore. Vendredi, Joan Rivers. Au tout Late Show de Jay Leno, toujours à 23h35, mais sur NBC. On parle demain de Kristen Chenoweth, que j'aime beaucoup, actrice de télévision. Jeudi, Kim Kardashian, elle est partout une fois de temps en temps. Et puis, en musique, on retrouve Django ce soir. Et un band que je connais pas, mais qui a l'air intéressant, Imagine Dragons. Et là, jeudi. Je connais pas ça. Imagine Dragons. En passant demain à David Letterman, Waves, avec deux A. Là. Oui. Très, très bon ça. À Jimmy Kimmel Live, 23h35 sur ABC. Demain soir, Bruce Willis et Kareem Abdul-Jabbar, le joueur de basketball, alors que jeudi, c'est Dwayne Johnson. Au Late Late Show de Craig Ferguson, ça c'est à 00h35 sur CBS. Ce soir, Sarah Chalk qui joue dans Scrubs. Chalk, Scrubs, difficile à dire. Jeudi, Betty White. Vendredi, Kristen Stewart. Et finalement, à Jimmy Fallon, ça c'est sur NBC à 00h35. Ce soir, Ice-T. Le rappeur, mercredi, Kathy Lee Gifford, l'ancienne animatrice de talk show. Et jeudi, Tyler Perry qui fait tous ses films qui sont si populaires aux États-Unis. Donc voilà pour les talk shows américains. Allez voir assemblagerequis.com pour le reste de la liste. Voilà. Extrême musicale, Non, tu sais que j'ai regardé le site d'Assemblage Requis à New York. Ben non, mais comment ça? Parce que justement, c'est très populaire les late shows. Assemblage Rocky est très populaire. Oui, à New York, quand t'écoutes à côté. Non, ben c'est ça, ça jouait à la télé, puis on se demandait c'était qui jouait, puis là j'ai fait oh la référence, on va aller voir Assemblage Rocky. Mais t'es donc ben fin. Puis je suis allé voir Assemblage Rocky, j'ai eu ma réponse. Au moins ça a servi à une personne que je fasse les talk shows à la fin de la chronique. Ben oui, parce que je suis super content. À chaque semaine je me le demande pourquoi je fais ça. Bref, voilà pour Télévision. Télévision, on fait ça tous les mardis matin à 7h30. Oui monsieur. À 7h10 environ. Excusez-moi. Jusqu'à 7h30. Jusqu'à 7h30 environ, exactement. Bien, bon point. Et on termine comme toujours avec une chanson thème d'une émission de télé. Et aujourd'hui, j'adore cette chanson-là. Oh. C'est une chanson instrumentale. C'est celle de The Office, version américaine. Oh, voilà. Voici The Scrantones, Assemblage Rocky. Assemblage Rocky est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage Rocky. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. 7h31, toujours à Assemblage Rocky. Jean-Philippe Chabonneau. Mathieu Plante. Oui. Est-ce que tu veux m'aider à accueillir notre maintenant chroniqueur préféré, je pense? Oui, mais on pourrait revenir en ville. Oh, oh oui, oh. Parce que voici la chronique Truc et Astuces de l'UGE, UQTR. Tu sais, peut-être dire le nom comme fois à chaque fois, genre. Je me trompe à chaque fois, puis je me sens trompé, mal. Puis en plus, j'ai un nouveau chandail. Mon chandail. C'est ça, lire sur ton corps, comme je le fais toujours. Voici la chronique Truc et Astuces, UQTR. Et me voici qui dévale la pente, encore une fois. C'est vrai. Plongeons comme au grand saut avec Benoît Gagnon. Voilà.

durant un été de temps. Donc, j'étais responsable de tout ce qui était logistique, nourriture, équipement, situation d'urgence et tout. Et durant mon passage, j'ai monté un petit logiciel qui en fait un logiciel Excel super simple. Ça se trouve être un menu d'expédition sur 5 jours. Donc, on ouvre le logiciel va être disponible sur notre site Internet. On le rend gratuit aux participants. Puis vous avez un menu de 5 jours avec les quantités et tout. Donc, vous rentrez le nombre de personnes que vous êtes, dépendamment de l'âge, de différentes cases. Puis ça vous donne 5 déjeuners, 5 dîners, 5 soupers et des extras pour les collations. Toutes les quantités sont là. Wow! Donc, si ça veut jamais se tenter de partir en expédition ou juste une petite sortie, vous prenez vous partez 2 jours, vous prenez les 2 déjeuners que vous voulez. Là. Et puis, ça va être disponible pour vous sur notre site Internet. Mmh. Merveilleux, ça. Vous êtes rempli de talent. On essaye. C'est super. C'est le but. Alors, c'était la petite chronique courte du QTR cette semaine. Ça pour vous dire que si vous voulez partir, sortir un peu, vu que le beau temps est au rendez-vous, ça s'en vient. Même en ce moment, il fait soleil. C'est la première fois que je me rends à la radio, il fait soleil le matin. Donc, c'est agréable. C'est chaud au cœur. Ouais. Tout va être disponible sur notre site Internet, www.uqtr.ca/UQTAER. C'est voilà. Internet. Sur Facebook aussi. Et on cherche. Je crois que c'est www.facebook.com/UQTAER. Simple. Voilà. Et voilà. Charles-Antoine Rioux du Club plein air UQT. Est-ce qu'il va rester des sorties avant la fin de l'année? Il en reste une dernière. Oh. On est déjà à la dernière sortie de l'année, le 9 avril. C'est un mardi, je ne me trompe pas. Mardi soir, on s'en va faire de l'escalade intérieure au centre Adrénergie ici en ville. C'est des parois artificielles, mais à l'intérieur, c'est très agréable. Donc, c'est effectivement notre dernière sortie de l'année déjà. Et on va peut-être avoir une sortie éclair. Ce n'est pas encore décidé ou sûr, mais ça se peut qu'on ait joué à la pétanque aussi. Oh. Donc, ça reste à voir. Mais officiellement, il en reste juste une. Voilà. Et merci déjà. Encore pour les chandails. C'est la moindre des choses, monsieur. Merci à vous. On se quitte avec une pièce qu'on te dédie. En fait, si tu te vires de bord, cher Jean-Philippe, pour que je voie le slogan. Je suis en train de m'étouffer avec mes écouteurs. C'est quoi mon slogan? C'est « Laisse-moi pas revenir en ville ». Chanson de... Beau dommage, laisse-moi pas revenir en ville. Nous, évidemment, on ne peut pas malheureusement jouer du beau dommage. Là. Mais on peut jouer, par contre, « Tao and the Get Down, Stay Down ». Voici « City ». Ville! Oh. Oh. Comment si. Prendre un mot? C'est pas pire, hein? Faire de l'origami avec. Merci encore! Merci. You would eat just to keep Bicycles et la pièce Appalachian Mountain Station. Et quelqu'un qui est allé faire un voyage, mais non pas dans les Appalaches, mais plutôt à New York, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, moi-même. Et t'as des anecdotes pour nous, parce qu'on a, on a encore un bon 15 minutes avant Michel Lebrun. Ben et oui. Ça te donne le temps, c'est l'opportunité parfaite pour raconter tout ton voyage au complet. Bon, ben commençons par le commencement. Ceux qui suivent l'émission quotidiennement ont remarqué que je n'étais pas là jeudi ni hier. Non, c'était Stéphanie Paradis. Les gens étaient soit heureux, soit tristes. Ben voilà. mais somme toute, ça fait changement. Et puis, ben écoute, je suis parti le mercredi après l'émission. J'ai essayé de partir après l'émission, finalement. Je suis resté un petit peu. Mais tout ça pour dire que je suis parti à 5h p.m. Hein? OK, 17h le soir. Oui, aïe, aïe. Un coup de micro. Je pense que le micro l'a pas trouvé drôle. Non. Donc, je pars à 5h. Puis, je pars en auto, tu sais, vers New York. Et puis, bah, c'est à peu près 8 heures et quelques de route. Quand même, je m'attendais à moins. Okay. Non, quand même, bah, c'est ça, plus un petit arrêt pour tanker, un petit café. Oui. Deux, trois petits repas. Oui, c'est ça. Laver l'auto. Mais tant que tu en profites, là. Mais oui. Donc, c'est un 8 heures bien à côté, là, avec quelques arrêts là, pour se dégourdir, mais pas très long. Donc, arrivé vraiment à la fin de la 87... on commence à voir New York au loin, c'est beau, c'est plein de lumière. Et puis, on jase dans l'auto. C'est juste toi et ta copine. Oui, on est deux. Merci de le spécifier. Et puis, tout à coup, moi, je conduis, donc je suis attentif à tout ce qui se passe. Je suis un vrai renard. Oui, t'es vif. Vif. Pas comme le renard que j'ai crapou, par exemple. Feu, bon, en tout cas. Une autre flashback, histoire. Hein, oui. Flashback. Et puis, je regarde au ciel et que vois-je? Une étoile filante, mais tu sais... C'est cool. Étoile filante était immense. C'est-tu l'apocalypse? Ben, c'est comme dans Armageddon. C'est ce que je me suis demandé, puisque c'était tellement une grosse étoile filante. Et puis, ça a duré très longtemps. T'sais, une étoile filante dure peut-être deux secondes. Je suis pas le spécialiste en étoiles filantes. Mais tout ce qu'on sait, c'est que tu as entendu une chanson de John Bon Jovi ou je sais pas trop quoi pendant... C'est quoi dans Armageddon, la chanson connue? Ah ouais, c'est quoi donc? Tu as entendu ça pendant que ça passait, je me... Jet Plane, c'est ça? J'essaie de faire une blague, je me rappelle même pas c'est qui. Mettons John Bon Jovi, moi je trouve ça drôle à la base. Bon, ben c'est John Bon Jovi. C'est John Bon Jovi à radio là-bas. C'est ça. Puis finalement, ben c'est ça, on a entendu aux nouvelles que c'était comme une comète. Comme le récurrent à Bain. Oui, pareil. Donc, ben c'est ça, pendant deux secondes, j'ai vu ma vie défiler devant les yeux. J'étais là. Ça doit faire peur, en tout cas. C'est les fameuses fusées que la Corée se préparait à envoyer. Aïe, aïe. J'étais certain que c'était la fin. Puis, ben c'est ça, finalement, il n'y a aucun punch, puisque je suis là pour te la raconter. Bah, ça aurait pu finir par un punch, mais tu serais pas là pour nous en parler. Ben, voilà. Fait qu'à un moment donné, on est content qu'il n'y ait pas de punch. Ben, il y a un punch. Fait que ça, c'est ma première anecdote. OK, number one. T'as un point. J'ai un point? OK, elle est correct. C'est plus une anecdote que tu vis, que tu racontes. Fallait être là. Ouais, c'est ça. C'est plus comme... en fait, t'introduis pas cette anecdote-là toi-même. Faut que quelqu'un fasse comme... Ah, t'as-tu vu à New York, il y a une comète? Hey, justement. Puis là, voilà, là, c'est là que tu peux la plugger. Ouais, mais j'ai fait autrement ici. T'as bien fait ça. Ouais, merci. Deuxième petite anecdote, tu l'as mentionné, je suis allé voir le spectacle de Pink. Oui. C'est en forme. Tu ne feras pas une critique exhaustive du spectacle de Pink, mais... Non, ben moi, je suis pas fan de sa musique. C'était plutôt un cadeau... C'est Bubblegum. Mais la bonne Bubblegum. Ouais, c'est ça. La qualité dans le domaine. Puis, mettons, point de vue spectacle, par exemple, c'est assez impressionnant, je dois avouer. Là, c'est une femme assez en forme. Et surtout, considérant qu'elle a accouché. On s'est demandé d'où est-ce qu'elle l'a accouché, je sais pas. Je sais pas, elle a juste du muscle. C'est incroyable. Tu sais, les gars là, qui s'entraînent vraiment gros et qui sont vraiment maigres. Là, les douchebags. Oui, ils ont un V. Là. Ouais, ouais. Ben, elle en a un. Tu te rends-tu compte? Wow. C'est incroyable. Je trouvais ça tout à fait incroyable de voir quelqu'un si en forme et si athlétique à ce moment-là de sa vie. Oui. Et puis, donc, je suis au Madison Square Garden pour les fans de hockey. Le jardin carré. Ouais, c'est ça, mais qui est pourtant circulaire. C'était un aréna. Bizarre. Hein? Et puis, on s'est fait carter pour acheter de la bière, chose qui est aux États-Unis. C'est flatteur quand même. Ah, mais non, aux États-Unis, ouais, ils cartent tout le monde. Là. J'ai vu un vieux monsieur quasiment avec une canne se faire carter. Mais il carte chez McDo à cette heure là, pour le clip de l'âge d'or, là, genre pour le rabais sur le café. Là. Est-ce que je peux voir votre carte? Mais je viens tous les jours, ouais, je m'en fous, j'ai besoin de ta carte. Ça fait que prends pas ça personnel. Non, je l'ai pas pris personnel, mais je l'ai pris personnel par la suite, puisque j'ai sorti mon permis de conduire québécois, fier de l'être. Et puis, elle a dit, oh, mon Dieu, non. On accepte juste... Hein? Ben, tout ça en anglais, évidemment, mais pour les biens de la radio, on va elle, pas... Elle dit qu'il y a un accent gentrifugé. Hey, là, non, non, non, là, on sera pas faire. Hey, non, c'est ça. Non, j'accepte juste les cartes d'identité américaines. Écoute, t'es dans une station touristique qui accueille des gens dans un show comme avec une vedette internationale. What the fuck, là? Voyons donc. Là, j'ai dit, non, ben écoutez, madame, regardez, on va le décortiquer ensemble. Okay. J'essaie d'être gentil, puisque ben, c'est le fun de regarder un show avec une petite bière. Aussi, j'avais commandé du popcorn aussi, puis une bouteille d'eau, des M&M, ça a coûté 38$. Non, mais attends, ça n'a rien coûté. Parce que je me suis avancé vers la fille pour lui dire, regarde, la date de naissance est sur les nouveaux permis, c'est très bien marqué, genre date de naissance, okay, pour que ça soit facile à l'international, justement. Et puis la fille a reculé, enlevé ses gants de service, elle a fait « No! » Hein? Elle ne voulait absolument rien savoir. Forget about it! Oh, t'aurais dû me voir, j'étais fâché. J'ai dit, ben justement, forget about mon permis de conduire. Okay. Check ben, forget about my commande. Puis je suis parti en rogne. Pas de popcorn, pas d'eau, pas de bière. Mais le show, vous êtes allé le voir pareil, mais avec rien, c'est ça? Non, c'est ça, mais je suis allé à un autre stand acheter du popcorn. Okay. Puis finalement, je me suis dit, oh, ben j'aurais dû m'essayer à un autre stand. Il y a à peu près 90 stands à bière par étage. 4 étages. Et puis, ben, j'étais juste trop fâché. J'ai dit, ils font pas une scène avec moi. Puis, ils méritent pas ça. Là. Je vais leur écrire, d'ailleurs, pour leur dire que ça était inacceptable. C'était son nom, à la madame? Non, mais j'ai le nom de son kiosque. Ah, c'est des restaurants, c'est genre ouais. New York Fries. Ouais, puis, c'est ça. Okay. Mais en tout cas, je trouvais ça poche. C'est vraiment poche. Tu sais, c'est comme... Ben, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ben, le punch l'est fait, pas besoin de continuer. Ok, merci. Fait que je te fais une autre anecdote. Je m'en étais préparé deux. Les hot dogs, t'es à 5$, tu disais? Oui, puis contrairement à ce que je t'ai dit tantôt, bon, j'en ai acheté un pour dire que j'en avais mangé un. Tu l'as séparé avec ta copine? Non, on en a acheté deux. Ok. 10$ de hot dogs, puis ils sont pas si bons. Ben non! Ça, d'ailleurs... ceux qui vont aller à New York pourront me reprendre s'ils trouvent que j'ai à me faire reprendre. Les pretzels là, qui vendent sur le bord de la rue. Chaud, hein? Ouais. Pourquoi ils vendent ça? C'est tellement pas bon. Je trouve ça... traditionnel. Ouais, mais ben c'est ça. Tu sais, t'en achètes un dans ta vie pour faire comme « Ouh, un pretzel de chez New York! » Bon. Non, j'ai trouve ça sec. Puis j'ai vu quelqu'un manger ça avec la moutarde. Ah, mienne! Et j'ai eu haut le cœur. Ah, ça va bon! Non. Là, arrête, tu me tentes trop, là. qu'est-ce que je pourrais te raconter d'autre? Il y a du monde, hein? Il y a du monde à Times Square. Oui, Times Square. T'as vu toutes les pubs qui te sont bombardées dans Times Square. Ouais. T'as vu les émissions de télé s'enregistrer en direct des studios de télévision. NBC. T'es allé au 30 Rock, le Rockefeller Center. Le Rockefeller Center. Rockefeller Plaza. Et puis, j'ai pensé à toi, Mathieu. Si ça avait pas été si dispendieux, je t'aurais acheté une tasse de Friends. Ah, Colin, que t'es fin, mais ça doit coûter un bras. Fait qu'à la place, j'ai pris des photos. Ah, merci. Oui. Je vais pouvoir te les montrer. Super. Mais c'est, je pensais à toi, là, quand quelle belle place, sérieusement, juste pour le vivre une fois. J'aimerais tellement ça te dire que tu aurais pu aller faire le tour d'une station, ben d'un enregistrement. D'un enregistrement, ben en fait, tu peux visiter les studios. En fait, tu peux tout faire à New York si tu veux payer le prix, c'est ça. Ils savent comment, ils savent que tu vas y aller juste une fois dans ta vie. Ouais, c'est ça. Fait que tu vas payer le prix. Ils savent que si tu y vas deux fois, c'est sûrement avec des enfants ou avec quelqu'un d'autre. Fait que tu vas payer encore. Mais moi, j'ai dit non, je ne paierai pas. J'en veux pas de ta bière, j'en veux pas de tes articles promotionnels. Non, c'est ça. Eh, mon Dieu. Non, non, c'est ça. Ben, je voulais pas dépenser pour ça. Et puis, ben, je discutais justement avec... Je discutaillais. Avec les gardes de sécurité. Et puis, je disais, tu sais, est-ce qu'il y a des choses gratuites à faire ici? Il fait, you know, you're in New York. C'est vraiment comme, aïe, aïe, tu tombes doux, toi, l'innocent. Ouais. Puis là, on a bien ri. J'ai dit, vous êtes gentil, monsieur. Puis il a dit, anytime. Ouais. Vous êtes naïf. Oui, c'est ça. Non, voilà. Donc, voilà, c'est ce qui récapitule peut-être 5 jours. Je suis arrivé hier. Écoute, si ça t'intéresse. Oui, tu étais là tu disais mercredi. Mais je suis arrivé mercredi soir. OK. On a fait un tour de Times Square. Ouais. Tu sais, parce qu'on n'était pas loin. Puis j'ai conduit à New York aussi, très intéressant. Oh. Hein, les gens à New York sont souvent à pied. Oui, mais c'est ça, il a fallu que je me rende. Oui. Et puis le stationnement aussi, c'est pas donné. Mm-hmm. Ça a coûté combien juste le week-end au complet avec le spectacle, les commodités? Oh, je sais pas. C'est ça. Non, mais c'est le fun parce que c'est séparé. Tu sais, t'offres le cadeau à Noël, oui, du spectacle. Tu l'avais déjà payé ça à Noël. Oui. Après ça, t'as réservé l'hôtel avant, c'est déjà payé. Là, c'est de l'argent que t'as plus de toute façon depuis longtemps. Non, tu t'en rends pas compte. Que ça a coûté comme 800$, je sais pas. Ouais, mais ça fait du bien, c'est un beau trip. Tant mieux. J'en garde des bons souvenirs. Et puis là, tu passes à une autre étape. T'es revenu ici juste à temps, puis on en parlera plus tard. C'est ça. C'est bon. pour l'instant, on s'en va entendre une pièce de l'album de André Papanicolaou. Tu sais, l'ancien gars du groupe André. Et de plein d'autres choses. Il a joué avec Vincent Vallière, avec Pascal Picard-Ben, plein d'autres. Donc, Papanicolaou et son nom de famille, André et son prénom. Et voici sa pièce New York City. Plein d'attention. Oh, mais ça. Pour toi. Well, if I never see New York City again, it'll be too soon. It's 10 years on, I'm still wondering what it was I said to you. And you're hardly a new memory, but lately you haunt me still. And if I close my eyes, dear, I can still see you standing here. In New York City, New York City, city with no heart. In New York City, New York City, you told me apart. Now even these concrete mountains can't hide your ghost. So I've been running from this place now, this city I love the most. And regrets, they haven't faded, but I know that they will. So in the meantime, I can still. New York City, city with no heart. And New York City, New York City, you told me about. City with no heart. New York City, rotten city. You told pièce New York City de André Papanikolaou. Assemblage requis, c'est vraiment très très bon, très calme en même temps. C'est la fin de la première heure, on se retrouve tout à l'heure avec la chronique de Michel Lebrun, panier à salade. On va parler avec lui peut-être d'attentats terroristes, non je sais pas, sûrement pas, peut-être pas. Et puis d'autres anecdotes de New York peut-être d'ici la fin de l'émission avec Jean-Philippe. Ah, écoute, j'en ai un sac à dos plein de toutes anecdotes de le fun. Un sac banane. Oui. tu sais, un gros sac banane. Oui, vraiment. Après ça aussi, on aura l'entrevue avec Bruno Lemar Corbeil, le gars des élections de la GFTR, c'est le directeur général. Et plus encore, pour l'instant, c'est l'Info Campus, restez là. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, retour sur la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 26 mars 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Oui, l'équipe est de retour. Oui. Pour vous jouer pour vous jouer un mauvais tour, c'est comme les Pokémon. Les Pop et Rock. Non, les Pokémon. on mêle tout le temps Pokémon et Pop et Rock. Ah, écoute, c'est pas facile de ne pas faire l'erreur. Oui, c'est ça. C'est une erreur facile à faire comme ils sont dans mauvaise pub de l'Assemblage Rocky qui joue en ce moment. Puis que, mais bon, personne n'a l'air d'aimer puis je me sens comme full méprisé. Je te pardonne. Merci. Maintenant, voici la chronique de Michel Lebrun, panier à salade. Bonjour Michel Lebrun, bon matin, bienvenue. Bonjour Mathieu, bonjour Jean-Philippe. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous aussi? Oui, excellent matin. Oui. Oui. Le matin de renouveau et d'ensoleillement. Est-ce que je peux profiter du micro pour féliciter mon ami Jean-Éric Guindon, dont tu as parlé, je pense, au début de ton émission. Oui, c'était lui qui a remporté champion. Le champion mondial de Question pour un champion. Ben oui. Fier représentant. Ben oui, puis Dink Bam du barreau de la Mauricie. Puis il était un bon ami à moi aussi. Ben oui, c'est avocat, tout à fait. Oui, c'est un avocat chez Bélanger Sauvé. Avec, écoute, je pense que c'est une équipe de gens particulièrement brillants dans ce bureau-là. Oui. Maître François Vigent, lui, a pris des gageurs avant l'élection du pape et il a trouvé, après une analyse en tout cas, c'est la seule personne que je connais à avoir réussi à trouver. D'ailleurs, le lendemain, dans le journal, on dit que c'était une surprise. Là. Oui, j'ai pas analysé ça beaucoup avant. Mais en tout cas, son associé a réussi ça. Lui, il s'en va. Il est le champion mondial de Question pour un champion. Il y avait 20 pays en compétition. Et en tout cas, Un génie. Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de champions mondiaux. Pas à Trois-Rivières. Et dans le barreau de la Mauricie, encore moins. Donc, bravo. Oui, ce matin, je suis tombé sur un dossier, sur un jugement qui était rendu par la Cour d'appel. Puis, souvent, je fais un thème, on parle de quelque chose. Ouais. Ça peut être soit un chien ou ça soit. Un principe, mettons, la vie privée, des choses comme ça. Je suis tombé sur un dossier et un jugement qui était rendu au mois de mars 2013 par la Cour d'appel. Puis, je pense que c'est un amalgame de peu près tout ce qu'on peut imaginer qui peut aller mal dans la vie et qui va nous conduire devant une cour de justice criminelle. Puis, le juge qui rend le jugement pour la Cour d'appel dit... c'est un jugement qui est rendu en anglais, d'ailleurs. C'est un autre des caractéristiques de cette décision-là. Lorsque deux personnes francophones se retrouvent devant la Cour d'appel et qu'ils reçoivent un jugement en anglais, c'est des fois, on se demande est-ce qu'ils peuvent vraiment comprendre la décision qui a été rendue. C'est spécial. Oui. C'est un peu spécial. Je sais qu'au Nouveau-Brunswick, les jugements sont rendus dans les deux langues. Mais, en même temps. Oui. Un mot en anglais, un mot en français. Dans le paragraphe. Mais le juge avait l'air un peu estomaqué par tout ce qui a pu se passer dans ce dossier-là. C'est une histoire qui se passe à Québec. Et... ça commence un peu comme dans les mauvais films. Ça, rien ne s'est présagé que cette journée du 2 février 2001. Ça, et ça remonte à 2001, là, lorsque les agents Lebel et Gagnon patrouillent tout bonnement et rien ne leur laisse penser que leur vie va changer cette journée-là. Et il y a un autre joueur de cette histoire-là, ou un autre personnage, peut-être le personnage principal, s'appelle Daniel Audet. Lui, c'était un médecin. C'est un médecin qui a deux résidences. Une résidence à Beaupré, là, je pense que c'est Saint-Anne-de-Beaupré, c'est pas loin de Québec, et un appartement à Charlebourg, qui est dans une tour de 8 étages. Jusqu'à date, tout va bien. Rien de particulier. Ça va pas bien. Vous m'interrompez s'il y a des choses qui vous... ça, on n'écrirait pas à sa mère pour raconter ça au moment où on se parle. Le vendredi, il quitte son bureau à 18h. Il s'en va à la Sûreté... pas à la Sûreté du Québec, mais à la SAQ. En fait, la Société des alcools du Québec. Et il s'en va à son appartement de Charlebourg. À cet endroit-là, il rejoint une dame du nom de NB. L'histoire ne dit pas son vrai nom. On l'appelait Nadia Bettencourt. Pas exactement. Mais peut-être parce qu'elle a été un petit peu enlevée. C'est pas une femme Bettencourt qui a été disparue. Lui, plus tard, dans les multiples procédures qui vont suivre, il va qualifier cette dame-là d'amie de cœur. Elle est avec une amie, on va l'appeler J, qui est une esthéticienne au chômage. Donc Jessica. Joanne, ça fait plus esthéticienne. Joanne. Je sais pas si c'est des esthéticiennes à l'écoute. Je sais pas comment ils vont appeler. Il s'appelle sûrement Joanne. Fait que bonjour à vous, Joanne. Mais en fait... alors, je n'irai pas sur les noms, là. Monsieur Audette, qui racontera un jour que les deux filles se sont chicanées. Mais toujours est-il que plus tard dans la soirée, il y a un dénommé Denis Tenlin, qui est un chauffeur de taxi, qui reçoit un appel de NB, qui dit... et lui, il va appeler après ça le 911, parce que ce chauffeur de taxi-là avait reconduit cette dame-là à cet endroit-là. Elle y va fréquemment. Elle a une clé de cet appartement-là. Mais selon lui, chauffeur de taxi, cette dame-là exerce un métier, le plus vieux métier du monde. Ah. Celui dont on a déjà parlé ici à la chronique. Savoir est-ce que ça devrait être légalisé ou pas. Prostitution. Et voilà. Et le médecin, lui, dira plus tard qu'il est absolument pas au courant de cela. Mais... De slot? Toujours est-il qu'elle l'appelle puis elle dit bon là ça va pas bien, je suis enfermé dans la salle de bain du monsieur en question et il a pris des médicaments et de l'alcool et il a mélangé ça puis là il devient violent puis elle lui avait déjà dit ça parce qu'elle est elle a souvent recours au service de monsieur Tenlin comme chauffeur de taxi parce qu'elle se déplace beaucoup pour son travail. Okay. Et puis donc, lui, il devient un petit peu inquiète. Il dit, je vais aller t'attendre en bas du bloc appartement. Je t'attends. Puis là, il attend, puis elle n'arrive pas. Fait qu'il finit par appeler le 911 parce qu'il est un petit peu inquiète. Il dit, la dame n'arrive pas. Là. Alors, il y a deux policiers, des agents Lebel et Gagnon, qui arrivent. Et c'est les deux policiers dont je vous parlais qui patrouillaient ce soir-là. Et encore une fois, c'est un appel 911. Bon, évidemment, c'est, quand on fait le 911, c'est parce qu'on pense que c'est urgent. Oui. Et le chauffeur raconte un peu cette histoire-là. Puis les policiers, ils décident de se rendre avec le concierge de l'immeuble à cet appartement-là. Et ils cognent, ils n'ont pas de réponse, et le concierge ouvre la porte. Et là, ce qu'ils voient, c'est un pot de fleurs cassé. Il y a le manteau d'une femme qui est accroché à une patère. Il y a une personne qui dort sur un divan. Il est complètement déshabillé. Il dort, puis il bouge pas, il se réveille pas à leur présence. Fait qu'eux font le tour de l'appartement, ils trouvent pas personne. Fait qu'ils sortent de l'appartement. Là, ils se posent des questions, ils se disent, écoute, il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire-là. On retrouve pas la dame, puis la dame vient d'appeler, puis le chauffeur de taxi. Fait que les policiers décident d'appeler un enquêteur. Donc, il y a un enquêteur qui se rend sur les lieux. Puis là, l'enquêteur dit, coudonc, on va retourner voir ça parce que ça n'a pas de bon sens. Fait qu'ils décident de... En tout cas, ils sont un peu inquiets. Il y a des traces qu'ils peuvent laisser entendre et laisser croire qu'il y a pu avoir des traces de lutte ou quelque chose. Une dame qui disait qu'elle était en détresse. Moi, à mon avis, là, si on parle légalement, un appel 911, tout ça, je pense que les policiers ont parfaitement raison de vouloir s'intéresser à ce qui se passe dans cet appartement-là. Ben oui. Et ils décident d'entrer dans la, de réentrer dans l'appartement. Et là, il réveille l'homme en question. Et là, il est un peu incohérent. Il parle de Nefertiti. Les policiers ne savent pas c'est quoi. Tête de tigre, hein? Comme dans Fort Boyard. Nefertiti, non, c'était... Ah oui, c'est ça. C'est Philindra, excusez-moi. Ah. Je pense que Nefertiti, ben, c'est une reine égyptienne. Oui, voilà. Moi, Fort Boyard et l'Égypte, pareil. Et je le sais parce que j'ai lu la dernière décision de la Cour d'appel qui en parle, cette décision-là dont je vous parle. Mais les policiers ne savent pas trop de quoi ils parlent. Et là, il les traite d'ignares. Et puis là, ben, le ton monte. Et puis finalement, il veut s'en prendre. Il s'élance un peu pour s'en prendre à l'enquêteur qui est un peu intervenant. C'est lui qui lui parle. Là. Et il traite de tous les noms. Puis il lui dit des mots qui semblent dire qu'il va lui arranger le portrait. Puis qui est interprété par les policiers comme étant des menaces. Donc là, on finit par menotter le docteur en question. On l'amène au poste de police et on l'accuse de voies de fait sur un agent de la paix et de menace. Les policiers sont encore un peu... Ils se posent encore des questions et tout ça. Fait qu'ils décident, bon, est-ce qu'on pourrait fouiller l'appartement? Et là, ils ont un document... Je vous ai déjà parlé de la vie privée. Ça prend un mandat de perquisition pour rentrer chez des gens. Puis ça fait, on peut éviter la procédure du mandat si on obtient un consentement de la personne. Si la personne signe un consentement pour dire, ben allez perquisitionner. Donc, les policiers se munissent de ce consentement-là, signé, semble-t-il, par M. Audet. Et là, ils vont dans l'appartement, puis ils saisissent le manteau, quelques petites choses. Il y avait des souliers, deux paires de souliers de femmes. La deuxième femme qui a participé à cette soirée-là, on n'a jamais su qu'est-ce qui est arrivé d'elle. Mais... finalement, on finit par libérer le docteur Audet. Puis ce que l'histoire va révéler par la suite, c'est que la dame en question qu'on cherchait, elle a été retrouvée par quelqu'un d'autre. Parce que les policiers aussi avaient fouillé toutes les appartements du haut. Avaient fait tous les étages, en des fait. Des fois, qu'elle se serait trompée d'adresse, ça pourrait être. Ben, c'est ça. Oui, non, c'est vrai. Puis finalement... Elle est saoule. Ben oui, ben c'est ça. Pas. Quelqu'un qu'elle fréquente depuis longtemps, puis elle a la clé de chez eux, elle se trompe d'appart... Ça peut arriver. Oui, sauf qu'elle avait déjà été... Elle était sortie de l'appartement. Quand elle a appelé, elle était dans l'appartement. En tout cas, c'est un peu bizarre, cette histoire-là. Et puis, ce que le docteur dit, lui, c'est que les deux femmes se sont chicanées entre elles, que lui, il n'a rien à voir là-dedans, puis qu'elles ont quitté, tout simplement. Et puis, ce que l'histoire va révéler par la suite, c'est que il y a un couple je dis un hôtel, mais dans le fond, c'est un bloc appartement. Il y a un couple dans le bloc appartement qui vient prendre l'ascenseur et qui ont trouvé la dame couchée à terre qui dormait dans l'ascenseur. Donc là, ils ont dit, coudonc, elle est peut-être malade ou quelque chose. Puis ils l'ont emmenée dans leur appartement. Et là, elle a raconté à peu près l'histoire comme quoi que la personne chez qui elle était violente, qu'elle avait mélangé des médicaments avec de l'alcool. Donc, elle compte à peu près l'histoire que le chauffeur de taxi avait entendue. Puis là, ils l'ont gardée pour la nuit. Fait que finalement, c'était pas pire que ça, là, dans le fond, l'histoire. Mais les policiers, eux, ne savent pas. Donc, ils sont un peu alarmés que tout ça. Et finalement, l'histoire se conclut, semble-t-il, avec... une accusation contre le médecin en question, de voie de fait sur agent et de menace de mort envers les policiers. Bon. Là, le procès se fait devant... À Québec, ça se fait devant la Cour municipale de Québec. Et devant la Cour municipale, le juge finit par déclarer non coupable le docteur en disant les policiers n'avaient pas de raison légale de se retrouver sur les lieux. Donc, tu peux pas être trouvé coupable de voie de fait sur agent si l'agent n'est pas vraiment dans l'exercice de ses fonctions ou agit pas en vertu des pouvoirs. Si le policier lui a excédé ses pouvoirs, tu peux pas être trouvé coupable de voie de fait sur agent. Bon, c'est un jugement qui était rendu, qui n'a pas été attaqué en appel. Et il l'acquitte aussi de menace en disant ça, c'est peut-être un peu plus justifié. Des fois, il y a des paroles qu'on peut dire quand on est en boisson, quand on est. On peut dire je vais t'arracher la tête. Pour être trouvé coupable de menace, l'accusation comme telle de menace de mort ou menace de causer des lésions, c'est une accusation qui implique l'idée de faire peur. T'sais, souvent, les gens vont dire « je voulais pas le tuer vraiment ». Ça, c'est pas une défense pour des menaces de mort. Mais de dire « j'ai crié parce que j'étais choqué, je vais t'arracher la tête », alors que visiblement, je peux pas arracher la tête de la personne. Ou je suis pas dans une situation où la personne peut avoir peur de cette phrase-là. Ben, ça peut être suffisant pour acquitter quelqu'un. Donc, le juge le déclare non coupable des deux accusations. Et là, on pense que ça va finir. Là. Mais là, le médecin entend que les policiers disent qu'ils ont fouillé l'appartement avec son consentement qu'il avait signé. Lui, il dit « j'ai jamais signé ça de ma vie ». Il prétend que ça a été fabriqué, que les policiers ont fabriqué ce document-là. Là, on tombe dans un autre là, ça devient un petit peu plus problématique. Pour la, ça se retourne un petit peu contre les deux policiers qui étaient les patrouilleurs qui étaient intervenus sur les lieux. Un des deux policiers, d'ailleurs, avait reconnu le médecin, c'est son propre médecin. Non. Et puis, la chance que ça arrive. Ouais. Personne n'a un médecin de nos jours. Ouais, c'est ça. Le monde est petit. Puis, le médecin semble dire que, justement, il s'est peut-être servi du fait qu'il avait déjà eu une prescription de lui pour fabriquer sa signature ou quelque chose comme ça. Toujours est-il que le médecin a un certain moyen, il prend son avocat, et là, il porte des plaintes contre les deux policiers qui sont intervenus, puis il fait faire une expertise d'écriture. Et puis, il obtient un expert, des graphoanalystes qui font des expertises et qui peuvent, semble-t-il, en tout cas, c'est utilisé régulièrement devant les tribunaux. Là, une signature, c'est presque comme une empreinte digitale. On est capable de... Il y a des subtilités assez évidentes entre une personne qui imite la signature de quelqu'un d'autre et la vraie personne. On pourrait retrouver, mais dans le fond, si j'essaie d'imiter ta signature, Mathieu, mon écriture, même si j'essaie de suivre, il y a peut-être des caractéristiques de ma façon d'écrire. La longueur de la barre sur les T, I est-il en haut de la barre ou un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Il y a plein de choses comme ça. Ouais, effectivement. Et... souvent, bon, ça peut tendre à prouver des choses. Des fois, c'est pas toujours à 100% non plus. Mais toujours est-il que lui, il a une expertise qui lui dit que c'était pas son écriture. Puis lui, il m'a dit tout le temps, j'ai jamais signé ce document-là. Vous avez pas le droit de fouiller mon appartement. Et puis, il va en cours. Il est poursuivi par un dommage intérêt. Et le juge qui rend le jugement, lui, il résume à peu près tous les faits là, que je viens de vous rappeler. Personne n'a beaucoup de sympathie pour ce médecin-là, là, parce qu'on voit bien que, en tout cas, lorsqu'il raconte sa version des événements, on est porté à penser que la dame était alarmée, le métier qu'elle exerce, que ce médecin-là, dans le fond... dit pas toute la vérité lorsqu'il dit qu'il savait pas que c'était une prostituée, qu'il dit que c'est juste une chicane entre eux, puis tout ça, puis il est bien chanceux déjà. Il a été acquitté des accusations qu'il a, mais lui, il y en a... il en voulait plus. Il en veut plus. Alors, à la fin de tout ça, les policiers se sont pas vraiment défendus, ils ont pas fait leur propre expertise. C'est un peu ça que le juge qui entend la cause de dommages et intérêts dit... écoutez, j'ai un expert qui dit que c'est pas votre signature, donc... puis l'accusé dit que c'est pas vous autres. Fait que, vous n'êtes pas particulièrement défendu de façon... vous auriez peut-être dû faire ça, vous aussi, là, pour nous le prouver, que c'était bien la signature du médecin en question. Puis, il finit par condamner la ville puis les deux policiers à des dommages et intérêts de 5 000 $. Un petit peu comme, je pense que tu as parlé de O.J. Simpson tout à l'heure. Oui. On peut gagner au criminel, on peut être acquitté au criminel, on peut gagner au civil. Là, sur cet aspect-là, au civil, le docteur a gagné cet aspect-là, puis il obtient des dommages de 5 000 $. Là, on se dit, bon, c'est probablement la fin des émissions. Son principe a été prouvé. Mais il en veut encore plus. Donc, il décide de porter une plainte criminelle maintenant contre les deux policiers. Là, il dit, les deux policiers ont menti à la cour. Et ça, c'est un crime en soi. On appelle ça parjure. Lui, il les accuse d'avoir fabriqué un faux document. Ça, c'est comme une sorte de fraude. Utiliser un document forgé, un faux document, c'est-à-dire. Et il les accuse pas vraiment de parjure. Il les accuse d'entrave à la justice. Là, il faut comprendre que une accusation criminelle, c'est porté d'habitude par la police. C'est un procureur de la couronne, un procureur qui est payé par le gouvernement. C'est pas mon avocat ou ton avocat qui porte une accusation criminelle. Au civil, oui, on poursuit pour des dommages. Chacun prend son avocat. Mais il y a une différence entre le rôle d'un avocat de défense comme moi et le rôle d'un avocat de la couronne. L'avocat de la couronne, il est payé par le gouvernement. Il n'est pas supposé, en principe, avoir des clients. Il n'est pas... le policier, pour lui, c'est que ça se trouve être un témoin. C'est pas son client. Et normalement, on leur demande d'être un peu indépendant par rapport à tout le monde, à tout ce qui les entoure. Impartial, pas biaisé. Exactement. Même pas avoir de cause à gagner. Là, on dit un procureur de la couronne n'est pas supposé dire « j'ai gagné une cause » parce que lui, il fait avancer la justice. C'est ça, il gagne la justice. Oui, c'est ça. Alors qu'un avocat de défense, lui, il a un client à représenter. Puis si, par exemple, il sait une bonne explication de la différence entre les deux rôles, par exemple, un procureur de la couronne, si le policier lui dirait dans la chose « écoute, j'ai fabriqué de la preuve, puis je vais... le procureur de la couronne devrait probablement le dénoncer à la police puis dire, écoutez, cette personne-là m'avoue avoir commis un crime. Alors que moi, un avocat de la défense, si un accusé me dit ça, le secret professionnel m'impose de ne pas le dire. Je serais en violation de mon... Je pourrais être cité devant le barreau, perdre mon droit de pratique si quelqu'un m'avoue un crime puis moi, j'allais le dire à la police ou le dire à qui que ce soit. Donc, il y a un rôle qui est différent. Mais... La loi prévoit une exception, c'est qu'une personne qui veut porter une plainte, puis si les policiers ne veulent pas prendre sa plainte, puis dans ce cas-là, ben c'est des policiers qui veut accuser, fait que c'est peut-être la difficulté que le docteur avait, il peut se présenter devant un juge de paix, et là, il s'est présenté avec un avocat. Il a pris un avocat un peu comme moi, là, mais qui pour un peu porter sa plainte, et là, le juge entend ce qu'il a à dire, et une fois qu'il a entendu ce qu'il a à dire, il va dire, ben oui, vous avez le droit, vous allez pouvoir l'accuser. On appelle ça une poursuite, une plainte privée. Et puis, cette plainte privée-là, c'est très exceptionnel, c'est très, très rare que ça se fait. D'habitude, les procureurs de la couronne, ils considèrent que s'ils ont suffisamment de preuves pour croire qu'un crime est commis, bien, ils la prennent, ils apportent l'accusation. Mais dans certains cas, si le procureur refuse de porter une plainte, ou dans un cas comme celui-là, il y a cette ouverture-là, cette possibilité-là qui est ouverte aux citoyens. Lorsque la personne se présente devant un juge de paix, là, le juge dit, je vais décerner un mandat d'arrestation ou une sommation. C'est-à-dire, je vais demander à ces gens-là de comparaître comme si vous étiez le procureur à la couronne. On entreprend un processus criminel, un peu comme une accusation qui aurait été portée par un procureur à la couronne. Mais il y a un pouvoir de surveillance qui est accordé au ministère de la Justice. Donc, le ministère de la Justice peut bloquer ces poursuites-là privées dans certains cas, en considérant que c'est peut-être frivole ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, c'est ça qui s'est produit, c'est que le bureau de la Couronne de Québec, qui peut-être, je ne sais pas s'il voulait protéger ses policiers, en tout cas, a décidé, dès que le juge a émis l'accusation, ils ont arrêté les accusations. Et là, on pensait, ils ont le droit de le faire. Et le docteur, on fait croire, on est rendu à peu près en 2005, ça fait à peu près 4 ans que ces affaires-là roulent. Et... le bureau de la couronne prend un peu parti pour les policiers qui sont impliqués là-dedans. On ne sait pas trop pourquoi, mais finalement, ils décident de bloquer tout ce processus-là. Là, il y a un autre principe qui rentre en jeu, c'est... Et le médecin, lui, il a vraiment... Il a d'énergie, puis il a des moyens. En tout cas, il décide... il y a un tribunal qui est la Cour supérieure. La Cour supérieure, c'est le tribunal, depuis le droit anglais, qui surveille tous les autres tribunaux et qui peut... il peut intervenir s'il y a des illégalités ou si, par exemple, la couronne agirait pour des motifs qui sont inappropriés. Donc, ce que le docteur fait, c'est qu'il prend un recours devant la Cour supérieure pour dire que ce dépôt d'arrêt des procédures-là a été fait pour protéger la police, a été fait de façon inappropriée, que c'est un abus de pouvoir de la part de la couronne. Donc, le docteur se retrouve devant la Cour supérieure. Et là, le juge de la Cour supérieure rejette son recours et lui dit quelque chose je vais vous lire la phrase parce que on est rendu pas mal loin. Je pense qu'on est rendu en 2007 quand la décision était rendue. Et le juge de la Cour supérieure lui dit que... parle un petit peu. Je vais vous le trouver. On va l'avoir. Ça s'en vient. Ça vaut la peine. Que c'est plus un problème de... Et il dit à l'avocat, en fait, du docteur Audette, il dit, votre client n'aura jamais justice dans sa tête et sans être médecin, ni psychologue, ni psychiatre, il y a des choses qu'un juge, au fil des ans, et avec la compétence qu'il peut avoir, peut remarquer. Et là, on pense que c'est la fin des émissions pour le docteur Audette. Ouais. Et non, il s'en va devant la cour d'appel. Ben voyons donc. Et là... il s'en va devant la cour d'appel et, dans le fond, il dit... Lui, sa croisade, c'est-à-dire la couronne veut protéger les policiers alors qu'ils ont commis un crime, ils ont fait une fausse signature. Quand on arrive devant la cour d'appel, ce que le docteur Audette apprend, c'est que lorsqu'il avait fait son premier recours devant la cour supérieure, la couronne ne lui avait pas dit, mais la couronne a décidé de demander une expertise d'écriture elle-même de ce fameux document-là qui prétendait qu'il avait été forgé. Et puis... je vais dire que j'ai une farce que j'entendais quand j'étais jeune et que je trouve encore bien drôle. C'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'on n'a pas d'ennemis. Hein, le docteur, à chaque fois qu'il je pense que le comportement, disons, du système judiciaire, tout ça, un peu nourri ses appréhensions, parce que là, il apprend que, finalement, la police, avant l'audition devant la cour d'appel, il reçoit un document de la couronne qui dit que l'expertise qui était faite par la police conclut, en vient aux mêmes conclusions que lui, c'est-à-dire que le document a été forgé, que c'est pas sa signature qui est sur le fameux document qui justifie la perquisition chez lui. Donc, au moment de se retrouver devant la cour d'appel, coup de théâtre, finalement, la couronne décide de porter elle-même des accusations contre les deux policiers, leur reprochant de s'être parjurés. Et là, on se retrouve, on est rendu à peu près en 2008, à peu près. Je crois que c'est... oui, c'est ça, on est rentré en 2008, donc les événements arrivent en 2001. Et là, la couronne dit, bien, finalement, on s'est rendu compte que c'était des fausses signatures, donc on va les accuser. Et là, on les accuse de s'être parjurés lors des deux procès. Il y avait eu un procès au civil, un procès au pénal contre le médecin. On dit, lorsqu'ils ont témoigné pour dire que le docteur avait signé ce document-là, bien, ils ont menti. Lorsque tu mens devant une cour de justice, tu commets un crime. Donc, les deux policiers sont maintenant accusés par pas par leurs avocats, je vous dis, les procureurs de la couronne ne sont pas les avocats des policiers. Mais là, c'est maintenant la couronne qui porte des accusations contre ces deux policiers-là. Lorsqu'ils se retrouvent... là, il y a une étape qu'on appelle l'enquête préliminaire. Avant de faire un procès, on peut aller devant un juge, l'accusé peut demander à ce que les procureurs de la couronne fassent entendre leurs témoins devant un juge qui décidera si les preuves sont suffisantes pour qu'il y ait un procès. Puis après ça, le juge du procès, lui, va décider si la personne est coupable ou pas. Lorsqu'arrive l'enquête préliminaire, la première date où s'est fixée l'enquête préliminaire, le procureur de la couronne, le docteur Audet, c'est le premier témoin de la couronne, il entre dans la boîte, il dit « Je refuse de témoigner ». Il dit « J'ai rencontré le procureur de la couronne ». Et lui, il est en guerre contre la couronne, évidemment. Il est en guerre contre la police. Mais là, il dit qu'il soupçonne le procureur de la couronne qui poursuit les policiers, d'être de mèche avec les policiers. Il dit, j'ai aucune confiance ça en lui. Loin, et là, je refuse de témoigner. Ça finira jamais, ça. Ben, c'est pas fini encore, on est en 2013. Et puis là, le juge n'a pas le choix de remettre le dossier à une autre date. Le procureur de la couronne se retire du dossier et là, on met un nouveau procureur de la couronne dans le dossier. Là, le nouveau procureur fait entendre finalement le monsieur Audet en question. Ils finissent par faire l'enquête préliminaire. Il fixe une date de procès. Et lorsqu'ils arrivent au procès, là, les avocats des deux policiers disent que les délais sont déraisonnables. Et là, il y a un autre principe qui rentre en jeu, c'est la Charte des droits. La Charte des droits protège un accusé. Il y a plusieurs droits qui sont prévus. Et un des droits qui sont considérés comme des droits fondamentaux, c'est le droit à un procès dans un délai raisonnable. Ben oui. Et puis... Là, il y a une question de savoir ça commence où, le délai raisonnable, parce que est-ce que ça commence quand le docteur a voulu porter ses accusations au début? Est-ce que ça commence quand la couronne a porté ses accusations plus tard? Et là, c'est tout un débat juridique, je vous fais grâce de ce débat-là. Toujours est-il que le juge qui entend le dossier déclare que les délais ne sont pas déraisonnables. Donc, le procès est prévu pour continuer, mais lorsque le procès vient pour continuer, le procureur de la couronne arrive devant le juge puis il dit « Ben là, j'ai reçu une lettre hier du monsieur Audet, finalement, le fameux docteur. » Et là, on ne sait pas ce que cette lettre-là dit. La lettre semble, de toute évidence, attaquer le juge en question, même si le juge, à date, n'est pas un juge qui... il donne pas raison aux policiers contre qui le docteur est. Mais, il y a une mèche, il y a une mèche. Là, c'est ça. Je pense que là, ça commence... ça commence à... Dans le fond, c'est le Truman Show. Ah, quasiment. Le monde tourne autour de cette personne-là, puis tout le monde est contre lui. Ah, tout le monde est contre lui, c'est ça. Au point où le juge lit la lettre, on ne saura jamais, la cour d'appel ne sait pas encore qu'est-ce que cette lettre-là disait, mais le juge dit, écoutez, je suis attaqué, dans le fond, on comprend qu'il a été attaqué personnellement par cette lettre-là. Il dit, il y a des questions, un juge doit toujours se dire, bon, est-ce que justice est rendue? Est-ce que apparence de justice est là aussi? Est-ce que les personnes qui regardent ça sont satisfaits que le juge est impartial, puis juge en toute sérénité le dossier? Puis il y a quelque chose qui est écrit dans cette lettre-là qu'on ne sait pas, qui fait en sorte que le juge dit, pour préserver les apparences de justice, je vais me retirer du dossier. Donc, on va recommencer le procès. Fait que là, il y a un nouveau juge qui rentre dans le dossier. Puis là, ben, le procès est remis encore plus tard. Fait que les avocats reviennent avec une nouvelle requête en disant les délais sont déraisonnables. Puis là, je comprends que la première fois, les délais l'étaient peut-être pas, mais là, on a rajouté encore 4-5 mois de plus. Puis on a eu à recommencer, puis les frais, puis les policiers. Puis là, je qui sont accusés là-dedans, mais disent, écoutez, on n'a plus de vie, nous autres, depuis 2001. Ils ne continuent pas de travailler, ils doivent arrêter, ils ne travaillent pas pendant ce temps-là. Et il y en a un qui est suspendu avec salle depuis qu'il y a des accusations. Bon, l'autre a pris sa retraite. Ouais. c'est un autre concept, la suspension avec salle parce que tu travailles moins puis tu es payé au tel. Ben, c'est ça. Lui, on dit ça, mais c'est assez humiliant aussi pour quelqu'un. Oui, premièrement. Non, ça deuxièmement, il dit qu'il perd tout le temps supplémentaire qu'il pouvait faire. Et puis, Au moins, il peut en faire. Alors, finalement, le deuxième juge, il dit, oui, les délais sont maintenant déraisonnables. Et là, vous en avez trop eu. Donc, je déclare. Et là, le remède à un délai déraisonnable, c'est l'arrêt des procédures. Donc, vous êtes virtuellement acquitté avant d'avoir eu votre procès. Et puis là, la couronne prend appel de cette décision-là et finalement, le 6 mars 2013, la cour d'appel a dit, écoutez, le préjudice que ces gens-là ont subi n'est pas si grave que ça, donc le juge n'avait pas le droit d'ordonner l'arrêt des procédures. Donc, il y a un nouveau procès ordonné pour des événements qui se sont produits en février 2001. Et le 6 mars 2013, on a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Donc, c'est une histoire qui n'est pas terminée. On a eu le temps de détruire et de reconstruire le World Trade Center de New York, dont j'en ai parlé tantôt. Oui. Depuis cette histoire-là, ça n'a aucun sens. Mais c'est fascinant. Des fois, les gens vont dire, bon, le système de justice, ils sortent des histoires comme ça, puis on dit... c'est ça qui ça donne pas toujours une très bonne image de notre système. Pas tellement. Par contre, chaque étape, il y a une série d'erreurs. Ouais. Une raison derrière chacune des étapes. Il faut comprendre que le système de justice, il gère ce qu'il y a de pire dans la société, ouais. Où les gens dans des situations extrêmes, des gens avec des gens qui rulent comme ça. Là, je pense qu'on est mis de pied sur une mine et personne ne veut arrêter. On dit, est-ce qu'on va donner raison à ce médecin-là qui semble être une personne assez particulière? Enragé contre la justice. Mais la justice a commis beaucoup d'erreurs, dans le fond, aussi, dans le traitement de cette personne-là. Et puis, on finit par c'est tout ça qui finit par créer des désastres comme celui dont je viens de vous parler ce matin. Eh ben, Michel Lebrun, histoire complexe, mais en même temps super intéressante. Passionnante. Comme toujours, passionnante, et on en reparle sûrement éventuellement. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, mardi à 8h pour notre chronique Panier à salade. Y'a une mèche! Non! Y'a une mèche avec nous autres. Au retour de la pause, on va parler avec Jasmine Raymond-Rainville de l'École internationale de français. On a aussi Bruno Lemaire Corbeil avec les élections de la GQTR. C'est à venir dans quelques minutes pour l'instant, mais on prend une pause. Allô, j'ai... Scène émergente. Oui, qui rit de s'écraser. Qu'il se donne ou qu'il 89, 1, 1. Le plan de demain à assemblage requis. Stéphanie Paradis viendra nous présenter sa liste des petits bonheurs des émissions jeunesse. David Ferron nous fera entendre de la musique francophone avec la langue dans ton oreille. Et une visite surprise, ben tout maintenant, de Marie-Pierre Laforge-Bourret avec sa chronique Etc. C'est demain, 7h. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Et 8h38, toujours assemblage requis, Jean-Philippe Charbonneau est là. Oui, certes, Mathieu Plante aussi, t'es là. Certes, mais tu te dis bien des bons mots matin, toi. Ben, hein. Demande-moi donc qui ça va impressionner, tout ça, ces beaux mots-là. Qui ça va impressionner, tous ces beaux mots-là? Jasmine Raymond-Dréville, de l'École internationale de français, bonjour. Salut! Ça va? Oui, vous-même. Ben oui, on te reconnaît pour ta présence à assemblage requis à tous les jeudis matin, c'est pas nouveau. Tu fais la chronique de la GEQTR, mais là, c'est complètement séparé de ça. Oui, ça n'a pas en tout. Aucun lien. Comme on dit. J'aurais pu pas le dire, mais ça aurait l'air bizarre, étant donné qu'on connaît ton nom quand même. Oui, mais là, j'ai une voix, tu sais, qui déguisée là, un peu ce matin. Comment goûte ton rhume? Ça goûte le rhume. Parfait. Ouais. Donc, tu es ici pour nous parler de l'École internationale de français qui est là à chaque été. Oui, puis c'est là toute l'année, en fait. OK. Principalement l'été, il y a plus de 1000 étudiants là, qui sont là l'été, qui viennent principalement pour Explore, qui est un programme là, de... En fait, il y en a un peu partout. Il y a beaucoup de gens aussi du Québec là, qui vont à l'extérieur pour apprendre l'anglais. En fait, Explore, c'est des gens de 18 à 25 ans. Ça, on a deux groupes là, qui viennent cet été. Puis, y a aussi, 5 semaines chaque, c'est 5 semaines, oui, c'est ça. 5-6 semaines, puis il y a des plus jeunes aussi qui vont être là durant l'été. Mais en fait, moi, je m'occupe de monter une banque de familles d'accueil qui seraient intéressées à héberger des étudiants et des étudiantes qui vont venir à Trois-Rivières, soit pendant l'été, soit pendant l'année scolaire. Ça, il y en a déjà là, en ce moment, qui accueillent des gens. Pendant l'été, là, comme je disais, c'est 5-6 semaines. On va avoir besoin en juillet puis en août. Puis, en fait, c'est du... J'ai plus les dates précisément, là, mais début juillet à début août. 5 semaines. Puis, pendant l'année scolaire, ça peut être soit des périodes de 4 ou 8 mois. Donc, pour les 4 mois, c'est des sessions, soit de septembre à décembre, soit de janvier à avril. Puis, aussi l'année scolaire complète qui est possible là, de septembre à avril. Il y a aussi souvent des retraités là, qui viennent pour des périodes de 1 ou 2 semaines, là, des très courts séjours pour venir là, un petit peu apprendre le français. Eux, c'est pas dans un contexte, c'est pas une école qui les envoie ou c'est pas un échange ou quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est ça. OK, et ça fonctionne comment? Donc, j'imagine, tu envoies un courrier à quelqu'un, tu fais la demande, tu remplis un formulaire, j'imagine. Est-ce qu'il y a une rémunération? Comment ça fonctionne, tout ça? En fait, toutes les personnes qui sont intéressées ou qui veulent en savoir plus là, sur les familles d'accueil, en fait, ils communiquent avec moi. Tantôt, je vous donnerai mes coordonnées. Moi, je fixe un rendez-vous avec ces personnes-là pour aller les visiter à domicile parce que je dois regarder un peu de quoi les lieux ont l'air aussi pour prendre des notes. Mm-hmm. Parce que je remplis un petit formulaire sur... Il y a une cage dans le coin. Ouais, c'est ça. La personne va aller c'est là. Ça. On va lui donner un petit bol d'eau, là. Okay. Non, en fait, c'est ça. Donc, moi, c'est ça. Je remplis un formulaire qui décrit les lieux, qui décrit aussi les préférences de la famille. Est-ce qu'ils veulent un étudiant fumeur, non fumeur? Est-ce qu'ils ont des animaux, mettons, qu'un étudiant est allergique? Mm-hmm. Est-ce que je remplis vraiment... Est-ce qu'ils sont ultra-racistes? C'est ça. Non, mais il y a des questions. Dans mon formulaire, je demande est-ce que vous pratiquez une religion? Est-ce que vous acceptez que quelqu'un en pratique une? Parce que ça peut arriver qu'il va y avoir des prières aux 10 minutes ou quelque chose comme ça. Mais oui, c'est ça. Puis c'est qu'en fait, les gens sont très gentils en accueillant des gens dans leur intimité chez eux. Fait faut qu'ils soient bien là-dedans aussi. Là. Ouais. Donc, surtout pour des périodes de 4 ou 8 mois, faut qu'ils soient à l'aise avec la personne qui est là. Donc, c'est ça. Fait que je remplis un formulaire qui est assez complet avec la famille. Puis, en fait, de leur côté aussi, les étudiants ont un formulaire à remplir quand ils font une demande de famille d'accueil. Comme ça, nous, on s'assure de faire des jumelages qui sont les meilleurs possibles. Comme ça, il n'y a personne qui a de mauvaise surprise. Tout le monde sait à quoi s'attendre, puis tout le monde est content. Exact, au final. C'est une question de tolérance et d'adaptation de la part des deux personnes, de la personne qui reçoit et la personne qui vient être hébergée aussi. Mais c'est en plein ça. Donc, il faut que tout le monde soit à l'aise avec ça, il faut que tout le monde soit bien puis sache à quoi s'attendre. Donc, c'est ça. Moi, je remplis ces formulaires-là avec les familles. C'est un rendez-vous d'à peu près, tout dépendant des questions qu'ils ont puis de ce qu'ils ont à me dire. C'est entre 3 quarts d'heure puis 1 heure à peu près. Puis, il y a aussi toutes les personnes de plus de 18 ans qui habitent dans la famille où l'étudiant ou l'étudiante va habiter doivent remplir une déclaration d'antécédents judiciaires. Donc, ça, faut le faire. En fait, c'est Langue Canada, là, un organisme qui demande ça là, pour que l'EIF, par exemple, puisse être accrédité. Il faut que les familles d'accueil remplissent ce formulaire-là. Mmh. Donc, c'est pas très long à remplir. Il y a une couple de petits trucs à cocher. Puis, principalement, c'est ça. Pour ce qui est de la rémunération, il y a une compensation qui est offerte qui avoisine là, le 140$ par semaine. Ça peut être une partie du loyer ou de la... C'est ça. En fait, ça, c'est lorsque la nourriture est incluse dans la famille, lorsque c'est la famille qui paie pour l'épicerie de l'étudiant ou qui cuisine pour l'étudiant ou l'étudiante, c'est à peu près 140$ par semaine. Puis lorsque la nourriture n'est pas incluse, par exemple, pour explorer l'été, là, ils mangent tout le temps à l'université. Ben, c'est ça aussi, il faut quand même le voir que tu accueilles quelqu'un chez toi, mais la plupart du temps, il ne sera pas là parce qu'il va être en cours. Pour l'été, là, pour explorer, ils sont tout le temps à l'université. La fin de semaine, on est sortis un peu partout. Donc, ça, c'est un petit peu moins, exigeant, si on veut. Là, la personne est moins souvent à la maison. Oui. Tandis que pour des séjours, vraiment, pour une session, pour une année, ben là, tu viens qu'à vraiment plus faire partie de la famille parce que souvent, la famille va inviter la personne dans sa famille, dans des sorties, des choses comme ça. Tout à fait. Ça crée des beaux liens, c'est sûr. C'est pas juste une question monétaire, c'est une question aussi d'amitié, de créer des liens pour un long moment. Après ça, tu restes ami avec. Puis, tu sais, avec Internet, à faire courriel. Oui, puis j'en ai rencontré quelques familles qui avaient déjà accueilli des étudiants thaïlandais il y a quelques années. Ouais. Puis eux gardent tous vraiment des excellents souvenirs. Ils ont même répété l'expérience avec des personnes qui viennent d'ailleurs. Il y en a qui ont reçu des Africains, des Indiens, des gens qui viennent d'Amérique du Sud. Donc les gens apprécient beaucoup puis gardent vraiment contact avec ces personnes-là. C'est excellent. Donc, on rappelle, on va les donner pour la première fois. Ils n'ont pas encore donné des coordonnées. Donc, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel raymond@uqtr.ca. Sinon, vous pouvez me rejoindre par téléphone au 819-376-5011, le poste 3875. Puis moi, vu que c'est un poste étudiant, là, je suis là 15 heures par semaine. Donc, si jamais je peux pas répondre au téléphone, laissez-moi un message. Puis, je les prends assez souvent, mais par courriel, là, c'est très efficace. Le poste 3875 et Raymond Dédé. à commercial.uqtr.ca. Voilà, c'est nouveau ces petites adresses-là. Mais c'est parce que sinon, c'est jasmine.raymond-drainville. Oui, non, pas jasmine-raymond.drainville, parce que ton prénom n'est pas Jasmine. Jasmine Raymond-drainville. Moi, j'aime bien ça. C'est Jasmine Raymond. Mais c'est pas ça. C'est ça. Et on te retrouve à ta chronique jeudi matin. Oui. Entre 8h et 8h30. Autres informations à dire que j'ai oublié de te demander? Oui, en fait, que j'ai oublié de le dire moi aussi. En fait, jeudi, s'il y en a qui ont des questions ou qui veulent me parler en face à face, je vais avoir un petit kiosque d'information à la table K1A Albert Tessier. C'est en face de la bibliothèque. Oh. En face du 2218 Albert Tessier, à la sortie de la cafétéria pour aller à la bibliothèque. Face au petit truc logé aussi. C'est en plein ça. Donc, proche des photocopieurs. OK, parfait. Good. Donc, je vais être à une petite table là. Vous pouvez venir me parler. Ça va être de 11h30 à 13h30. Parfait. C'est pas toi qui m'avais dit que c'était pas kiosque, c'était stand même en français. C'est pas toi ça? Je sais pas. Il me semble que j'entends ça quelque part. En tout cas, c'est pas moi parce que tu me l'apprends, sauf qu'on va dire une table. Une table. Je serai là pour informer les gens. À la table. Je serai à la table. C'est beau, c'est une table de bois. Non, en mélamine. Non, de mélamine. Oui. Il n'y a pas du bois en dessous de mélamine. Je pense pas. On verra. Jasmine Raymond Drainville, merci beaucoup. Plaisir. On passe à Bruno Lemaire Corbeil. Bon matin. Bonjour. Ça va? Oui, vous? Oui, directeur général des élections qui est avec nous aujourd'hui pour parler des élections qui ont lieu en ce moment même à la GEQTA. En effet. Comme à tous les mois de mars. Mm-hmm. Et début avril. Début avril. Pardon, début avril. Donc, on a une tonne de questions. Est-ce que tu Jean-Philippe, as-tu la page avec les questions dessus? Non. Non. Vas-y, on va se partager les questions. C'est toi qui commence. Je vais commencer. Pour commencer, Bruno Lemaire Corbeil, qu'est-ce qui t'a motivé à poser ta candidature pour le poste de GE, toi? Ah, OK. Oui, c'est de même, les questions. Oh, c'est des questions super officielles. Tu pensais pas, hein? Non. Je me suis préparé, tout de même. En fait, l'intérêt, pour moi, simplement, c'est déjà quelque chose que j'ai fait. De l'implication politique comme ça, sociopolitique, ailleurs, dans différents cégeps, un peu partout. J'ai participé à certaines simulations, entre autres forums étudiants, qui m'avaient comme donné le goût de la politique à la base, tout ça. Mais c'est l'implication, puis c'est le désir aussi de faire en sorte qu'il y ait une certaine forme de démocratie qui soit opérée. Bon, le cynisme, le cynisme a bonne figure ces dernières années. Je suis fan. Moi aussi, mais tu sais, j'espère que les électeurs ici auront comme un désir de casser un peu le cynisme. Ouais. Mais c'est un peu pour ça, en fait, c'est faire en sorte justement qu'il y ait, que le processus soit opéré parce que ça prend quelqu'un. Quitte à que ça prenne quelqu'un, que ça prenne moi, parce que c'est cool. Ou c'est pas quelqu'un qui a envie de le faire. Exactement. Puis, tu sais, il y a une bourse vis-à-vis de ça, mais pour vrai, je l'aurais fait bénévolement parce que c'est quelque chose qui tu l'as pas trop fort. Non, mais tu sais, je veux dire que c'est une bourse, c'est super sympathique. De toute façon, c'est quand même beaucoup d'heures de travail, là. D'ailleurs, à ce titre-là, j'ai un comité électoral qui m'aide énormément, là. Je tiens à le remercier. Mais bref, ce qui m'a poussé à le faire, c'est vraiment l'intérêt pour ce type de processus-là. J'ai été président de certaines chambres, chambre de représentants au Cégep de Trois-Rivières. J'ai siégé sur différents comités. À Matane, j'ai été sur le conseil d'administration de la fondation du Cégep. J'ai été sur la commission des études. Bref, toutes des choses qui, pour la plupart le commun des mortels est très ennuyeux, mais moi qui me réjouis de procédure. Ça en prend. Ben oui. Ce que Maître Lebrun disait tout à l'heure, moi j'écoutais ça, je faisais comme des procédures, c'est super le fun. Ah, bref. C'est rare ces gens-là, faut les. faut les garder. Oui. Faut les avoir dans notre bord. Est-ce que tu peux nous dire quand aura lieu le débat électoral et où se tiendra-t-il? Question que j'ai écrit hier parce que le débat avait lieu hier, puis j'étais sûr de savoir Bruno hier, j'ai oublié de l'enlever. Non, mais il n'y a pas de problème. En fait, hier. C'est vrai, c'était à midi. C'est ça. Mais c'était hier à midi à la chaise galerie. Par contre, le débat. S'il y a des étudiants ou même des auditeurs, en fait. Sur Internet? Ouais, exactement. Des auditeurs qui ne sont pas nécessairement étudiants, ils peuvent le réécouter sur Internet. Ça va être une bande audio du débat. C'est quand même assez long, mais dans le fond, vous pouvez comme. C'est un bon 2h30. Oui, c'est un bon 2h30. En fait, le débat était très, très intéressant. Oui, vraiment. C'est, honnêtement, c'est la première fois que je faisais un débat ici, que je participais parce que c'est ma première année à l'UQTR. Fait que j'avais jamais voté avant, fait que j'avais comme aucune expérience d'élection ici. Puis je me suis rendu compte que ça a dépassé certaines de mes attentes. Les gens participaient beaucoup, puis on a eu des bonnes questions. Fait que ça va être probablement sur le site de la GEQTR, puis sur le Facebook de la GEQTR aujourd'hui. Il y a un de mes amis qui s'est occupé de transférer ça sur YouTube. Il y a eu beaucoup de difficultés parce que... Deux heures et demie sur YouTube, il y a des limites. Oui, mais audio c'est moins... Ouais, mais okay. Audio en MP3, c'est moins pesant, mais c'est surtout l'exportation. Bref. Avec des titres de fichiers qu'il n'a jamais vu de sa vie. Okay. ce sera sur ageqtr.org et sur la page Facebook de la GEQTR. Oui, probablement aujourd'hui, on va essayer de le faire parce que le délai... Sinon, il est déraisonnable. Ben, c'est ça, parce que ça avance vite, là. Sinon, je vais juste enlever les questions qui ont rapport avec le débat. Oh. Bon. regarde. oui, comment est-ce que les étudiants peuvent voter à partir de quand? C'est depuis hier à 23h45, mais jusqu'à quand? Jusqu'à jeudi 23h45, en fait, principalement sur le portail, quand les étudiants, justement, vont, mettons, consulter leur note de cours, leur courriel ou tout ça, sur la page principale du portail, à leur droite, il y a une vignette qui est marquée AGUQTR. Dans le fond, en dessous de la vignette du site internet de la AGUQTR, il y a AGUQTR, vote ici. Okay. Puis dans le fond, c'est ça assez... Ça peut pas être plus clair c'est, que non, ça. Non, en effet, ouais. c'est assez visible. Pour vrai, hier, il y a Serge Boudreau, en fait, au COM, à l'UQTR, qui m'a envoyé un message. « Ah, on pourra pas faire de la vignette parce que les gens de l'ICOM sont occupés. » Puis je suis comme, il faut que je me débrouille avec je vais ça. Je vais faire moi-même. Ouais. Non, finalement, je ne l'ai pas fait moi-même parce que sinon, ça aurait été blanc. Mais il y a un de mes amis qui a fait ça en genre 10 minutes. J'ai comme fait « Wow, merci ». Puis pour vrai, je suis étonné du résultat. Ça fonctionne pas mal mieux avec un petit bouton coloré. Là. En effet. Sur le portail UQTR, sinon sur la page Facebook de la GUQTR, puis sur la page internet de la GUQTR, mais il y aura probablement le lien en bit.ly parce que l'autre lien est vraiment très long, ouais. Mais ça revient au même. Là, vous pouvez cliquer là puis vous allez accéder au questionnaire directement. Souvent, il y a quelqu'un qui prend l'initiative de faire une capture d'écran puis de mettre des petites flèches rouges là, sur où cliquer. Oui, là, oui en effet. Ben, ça a d'ailleurs été fait par une des membres du comité électoral, Laurence... qui a fait ça, puis on devrait le publiciser un peu plus aujourd'hui, mais voilà. Cool. Et puis, quand est-ce qu'on va avoir les résultats? Vendredi à midi. J'invite tout le monde à rester couché parce qu'il y a des cas. C'est ça. Ouais, mais, c'est férié aussi vendredi. Oui, hein. Oui, c'est ça. Il a failli avoir un petit problème de logistique parce que la GUQTR, en fait, selon sa charte électorale, doit avoir les résultats justement le vendredi et entériner dans la fin de semaine. Sauf que, bon... Il n'y a personne à l'UQTR qui est levé ce matin-là, mais bref, il y a quelqu'un de très sympathique qui va nous transmettre les résultats. C'est à midi, au 1200 Albert-Tessier. Donc, vous allez vous inter et auto-féliciter. Exactement. Exactement. Non, on va s'applaudir. On va applaudir les candidats, puis peut-être genre un journaliste. Oui, c'est peut-être les anciens de la GUQTR qui sont là présentement. Oui, probablement. On espère. On espère, oui, en effet. S'il y a plus que 20 personnes, je vais être très content. Yes. Quand est-ce que les candidats vont entrer en fonction? Est-ce que c'est à l'automne ou c'est pour l'été? Il me semble que c'est pour l'été. Hein? C'est la date. Le 1er mai, exactement. Donc, dans le fond, il y a l'entérinement qui va se faire en conseil d'administration lundi prochain. Puis ensuite de ça, le processus va se faire. Puis le 1er mai, les nouveaux officiers vont rentrer en fonction. Ouais. Avant que Jean-Philippe pose la prochaine question, je me demande si on la pose parce que je sais pas si c'est des informations à l'avance. Je suis en train d'aller chercher sur le PDF. C'est bon de se préparer à l'avance. On a l'air comme ça. L'ordi est très très là. Okay. Regarde, je vais l'ouvrir moi aussi. Pose la question pendant que j'ouvre le fichier. attends un peu. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler les candidats et les postes qu'ils convoient? T'as le droit de dire non. Ah bien sûr. Non. Quand même. Peut-être que le poste va le bâcler un peu parce que je ne connais pas les postes par cœur. Mais Mathieu Roy à la présidence. Mais j'ai même pas besoin de ça, je le connais non, par cœur. Wow. Oh, oui, à la bon. Force. Mathieu Roy à la présidence. Ensuite de ça, aux communications, il y a M. Alex Brisebois-Proux et Mme Roxane Dulon qui, dans le fond, ont un face-à-face. Le deuxième face-à-face, c'est dans le fond au poste de secrétariat général entre M. Jean-François Chapdelaine et Mme Caroline Rouillard. Sinon, à la vie associative et environnementale, il y a Michael Magny. Ensuite de ça, aux affaires académiques de premier cycle, il y a Mathilde Loisel-Davidson qui se présente. Ensuite de ça, il y a aux finances et développement, M. François Arcan. Et puis, il y a aux affaires sociopolitiques, il y a Jean-René Leblanc-Gadoury. Puis, je pense que c'est tout. Michael Magny, ce que tu as dit, Michael Magny. Oui, Michael Magny. C'est ça. Il y a un poste vacant. Il y a le poste au socio-Q, dans le fond, au vice-présidence aux affaires socio-culturelles, qui est vacant, et vice-présidence aux affaires académiques de second cycle, de deuxième cycle, qui lui aussi est vacant. Donc, il y aura des élections partielles après ça en conseil d'administration, mais pour les élections générales, les postes sont vacants. Est-ce qu'il y a possibilité, tu me diras si c'est pas la réponse, mais est-ce que si quelqu'un, mettons, perd le poste pour lequel il se battait dans les deux débats, est-ce que quelqu'un peut se proposer pour un des postes qui est vacant? Je crois que non. Okay. Parce que, mais je sais plus la politique électorale par cœur, je me rappelle plus si c'est pour le poste convoité ou pour les élections en général. C'est un détail qu'il faudrait regarder, mais je crois que non. OK. De c'est mémoire. Intéressant quand même, comme question. Mm-hmm. Ouais. Puis, dans le fond, juste mentionner aussi que, on a oublié un candidat de marque, c'est-à-dire la chaise. Oui. Pour chacun des postes, il y a la chaise qui est tout autour de vous. Vous la voyez tout le temps, mais c'est ça. Vous avez toujours la possibilité, justement, de vous abstenir en temps pour la chaise, ce qui est, dans le fond, une option si vous considérez que le candidat, ne remplit pas les attentes auxquelles que auquel vous vouliez. Et justement, si vous regardez ou vous écoutez le débat et vous voyez une personne qui n'a pas de sens à ce poste-là, ben c'est sûr qu'il faut justifier en votant pour la chaise. C'est votre seule façon de le dire. En effet, puis ça va être quand même difficile de le voir parce que ça vient d'une piste audio, mais il y a quand même... Moi, je l'ai vu. Exactement. Non, c'est ça. Si jamais il y a quelqu'un... la chaise est faite pour ça, puis c'est une bonne chose, en fait, je trouve, dans les statuts règlements, de pouvoir s'abstenir. Tout à fait. Vas-y. Juste avant de finir, un petit rappel, peut-être sur... le mot de la fin, comment voter, un petit rappel sur la façon de voter et jusqu'à quand. Donc, oui, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, sur le portail étudiant, il n'y a pas de problème, vous pouvez, dans le fond, aller sur le cliquer sur le lien, sinon, il y a un lien qui va probablement circuler. On va faire, dans le fond, le comité électoral et moi, on va se promener, justement, pour aller chercher le monde, passer des clients avec des codes QR qui vont permettre justement d'avoir un meilleur accès au vote. Puis vous cliquez, puis dans le fond, c'est un questionnaire, un sondage en fait qui est fait. Puis c'est très très simple. Je l'ai fait d'ailleurs moi-même hier soir parce que oui, j'ai quand même le droit de voter. Je ne dirais pas pour qui. Mais c'est ça, dans le fond, c'est très simple. Il y a la photo de chacun des candidats, le poste et le nom du candidat aussi, le poste convoité par ce candidat-là. Puis un texte de présentation de maximum de 80 mots par candidat qui explique un peu si jamais vous ne connaissez pas les candidats. Puis aussi mentionné à ce titre-là, vous avez sur la page de la GUQTR, puis probablement un lien sur la page Facebook, dans le fond, un descriptif de tous les candidats avec le texte justement qu'ils ont composé. Super. Si vous connaissez pas les candidats. Merveilleux. J'en fais pas vu ma prochaine question bonus. Ouais. Que tu l'as vu, toi? Brièvement, vas-y. C'est ça. Ouais. Je vais la faire quand même. Vas-y. Hein, parce que tu y attends. Bruno Lemaire Corbeil, directeur général des élections de la GUQTA. T'es-tu un maire ou une corbeille? Ou encore le maire des corbeilles? Non. Non, je ne sais pas dans mon arbre généalogique s'il y avait des mères ou des corbeilles, mais des corbeilles, oui, mais des corbeilles avec deux un L puis un E à la fin, je ne sais pas. J'espère que non. C'est peut-être pour ça que j'ai des bras en métal. Mais, sinon, non, en fait, je ne suis ni mère ni corbeille. Par contre, je suis bel et bien directeur général des élections et j'invite tous les étudiants de la GUQTR, tous les membres à aller exprimer leur droit de vote jusqu'à jeudi 23h45. Pertinent! Merci beaucoup. Je t'étends un peu... Le climat habituel de cette émission. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt. On va se revoir autour ici à C'est fou. Je pense qu'on va t'en prendre des voix. Peut-être. Donc, on va écouter Hunter Valentine, Gates of Hell. Pas pour dire que les gens qui vont entrer dans GFK vont pénétrer les portes de l'enfer. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Hunter Valentine, tout de suite. On vient après, on se dit back. OK. Show me. I hope that when you read this note, you know that I'm well aware that I'm not close to perfect. I know you don't deserve this. You only put out answers to myself. You only put out problems. So bring back my love. It's been a while, I want it back. Crazy, knowing I'm here to stay. So bring back my. Andrew Valentine et Gates of Hell. Il n'y a pas de H à Hov, même si j'ai fait Hov. Oh. Hov. C'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui, Jean-Philippe. Ben oui, Mathieu. Mm-hmm. On va se retrouver demain, par contre. Ben, en pleine forme encore. Entre 7h et 9h, et demain à l'émission, qui avons-nous? On a Stéphanie Paradis. Ouais, un petit bonheur. Elle va nous parler d'émission jeunesse. On va entendre plein de chansons thèmes d'émission de télé. Ah, j'aime ça. J'ai très hâte. Ensuite, David Ferron, L'angle de ton oreille, c'est un classique du mercredi. Participation spéciale de Marie-Pierre Laforge-Bourret, qui est là d'habitude aux deux semaines, dans l'autre semaine, finalement. Mais là, elle va être comme là, cette semaine, à la place. Genre, c'est comme un genre de changement de case. Je comprends. Laisse faire. Sinon, on remercie les participants d'aujourd'hui, entre autres, qui avons-nous eu? Charles-Antoine Rioux. Écoutez, merci pour le chandail encore. Oh, il sent bon. Il est tout doux. Michel Lebrun, Bruno Marcorbeil, Jasmine Raymond-Drainville, toi, Jean-Philippe Charbonneau. Toi, Mathieu Plante. Merci. Toujours un plaisir. Un plaisir qu'on adore à tous les matins, lundi au jeudi. Restez à l'écoute, le dîner de con s'en vient à 11h. Ensuite de ça, c'est Rock Classique en version normale et complètement longue juste pour cette semaine. On diffuse les 6h vu qu'il n'y a pas de Melon Miel et Chou de Bruxelles, évidemment. Mais bref, on s'en reparlera pour Melon Miel et Chou de Bruxelles, mais quelque chose... Ça s'en vient. Quelque chose s'en vient. Ça va juste patcher un peu. Sinon, à 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Passez une excellente journée. Bonne journée, Jean-Philippe. Bye, Mathieu. À demain. À demain. Bye. On se retrouve avec The Halotrons et Venus at Your Back Door. D'accord.